derrière à Ekinla. Ekinla vers Crosby, c'est lui. That's like here's a shot. Henderson made a wild step worth spell. Here's another shot. Fight by the door. Henderson and scores for Canada. Alors donc 4 à 4. Et là, l'attaque des Patriots sont comme tir au bouton. Et le but. C'est long et c'est carré. Julian Ferdi file jusqu'à la zone des buts. Touché pour le Rouge et Or. Et bon matin tout le monde, bon matin Trois-Rivières et Masquinongé et bienvenue à l'inconduit de partir sur les ordres de C'est fou. Il m'a saisi. Je t'ai saisi. Écoute, on va saluer la Mauricie au complet, dans le fond, et même le Centre du Québec qui nous écoute au complet. Donc, bonjour Centre du Québec et bienvenue à l'inconduit de partie, une émission qui vous parle de sport de régional, bien sûr, et d'un peu partout à travers la planète. La voix que vous avez entendue rire comme s'il venait de se faire compter une bonne blague, c'était Philippe Doucet. Ça va bien, Philippe? Oui, très bien. Tu sauras que je ris toujours avec grand cœur. Et là, je suis un peu pogné d'un fil de Marc-Antoine. Mais bon, OK. Ouais. Non, je ris toujours avec beaucoup d'éclat. Ben, justement, Marc-Antoine, de ton côté, ça va bien? Ben oui, super bien. Vous, les gars? Ah, toujours, toujours, toujours. Surtout en ce vendredi, hein? Dernier jour de la semaine. Et bien sûr, je pense que c'est le vendredi qui ouvre la porte vers la fin de semaine complète. Toute une fin de semaine de football. Je pense que je vais... Le hockey aussi? Oui, au hockey aussi. Mais non, mais c'est le meilleur avant-match, le hockey au Super Bowl. Et le game du dimanche après-midi. Et la présentation du calendrier summum. Ah, quoi? Oui, après le match de football, à RDS, on voit la prise de photo du calendrier summum. OK, toi, c'est ce que tu retiens de ta fin de semaine. Toi, là. Ben oui. C'est ton fait saillant de la fin de semaine. Ben oui. Il y a genre 6000 sports à la fin de semaine. Il y a le basketball collégial qui part aux États-Unis aussi. Toi, c'est le calendrier summum. Oui. Chacun ses priorités. Hein? Prends ses aises hein, quand même au micro de plus en plus. Ouais. On sent que. Hein, il nous fait déraper. Moi, ouais. Je trouve que là, quand tu tires vers le bas. Ça prendrait le Party Boy, je pense. Ah, ben oui, pour la dérape du calendrier summum. Voilà. C'est notre chanson de dérape. Premier modèle, Jessica. Donc, ce matin, l'émission, bien sûr, je vous mens pas et je ne vous cache rien. Ça va être une journée Super Bowl. JP Rooney va joindre à nous vers 10h15 plutôt. On va parler jusqu'à la fin de l'émission, jusqu'à 11h, on va parler du Super Bowl. Il va nous analyser toutes les équipes, les forces en présence, vraiment tout. Philippe, t'as rien, Marc-Antoine, t'as rien. C'est moi qui, pour le reste de l'émission, qui fournit le contenu, c'est-à-dire... Ah ben, salut! Salut! Fait que, qui fournit beaucoup de contenu. Dans le fond, on va parler des Patriots, on va parler du hockey à Mauricie, on va parler des Cataractes de Shawinigan qui étaient en action hier soir contre les Screaming Eagles du Cap-Breton. Je peux vous dire que les aigles n'ont pas crié très fort. Ils se sont fait déplumer 8-0. Et finalement, Jonathan Bernier de Rue Frontenac va se joindre à nous vers 9h35. On va parler un peu du Canadien, eux qui disputent deux matchs en fin de semaine contre les Devils du New Jersey. Et j'ai un petit blanc, Phil. Un blanc? Ah, mais tu m'écoutais pas. Le Canadien dispute deux matchs en fin de semaine contre les Devils. Attends un peu. Oh, Philippe qui a son horaire dans son portefeuille. Ouais. Est-il accro? Oui. J'ai celle des Patriots aussi. Ah, c'est correct. Ah, ouais. Écoute, attends un peu. Février. Rangers. Rangers, OK. Rangers, samedi à 2h in New Jersey. Dimanche à 15h. Peux-tu me confirmer la date de la Classique Héritage? C'est le 20 février. C'est le 20 février, merci, ouais. C'est ce que je voulais savoir. Bon, ça, c'est noté dans mon cervelet. Dans ton cervelet, oui, cervelet. Oui, oui. Donc, allons-y tout de suite avec les Patriots. Du côté des Pats, ça, c'est pas une grosse semaine, surtout au niveau du hockey. On ne joue pas. Je viens de closer ça assez rapidement. On ne joue pas. Par contre, je vais tout de même vous parler de hockey. On sait, c'est les Universiades, championnat mondial, les Olympiques universitaires, dans le fond, qui se déroulent présentement à Erzurum, en Turquie. Bon, Canada, on devait disputer un dernier match le 31 janvier contre la Corée, si on espérait se classer pour les rondes finales. Alors, vous vous dites, la Corée, ça va être cocasse. Non, ça s'est terminé 3-2 en faveur du Canada, donc ça n'a pas été un résultat très intéressant. On s'en est tout de même tiré, entre autres grâce à Chris Rea qui a 2 buts en première période. Qui a reçu la passe venait de Francis Charland. Donc, premier point pour Charland dans le tournoi. Finalement, en troisième période, c'est Brandon McLean qui a donné la victoire au Canada avec un but d'avantage numérique à 10 minutes 43. Dans les filets, c'était Jim Watt qui, des Lancers de Windsor qui était devant les buts, sa première victoire du tournoi. Donc, la phase de groupe se termine. On s'en va après ça en, bon, je vous explique dans le fond les groupes, qu'est-ce que ça a donné, les résultats finaux. Groupe A, c'est la Russie qui l'emporte, fiche parfaite. Groupe B, le groupe qui nous intéresse, c'est le Bélarus, fini au premier rang. Le Canada au deuxième rang, la Slovaquie au troisième rang et la Corée, bon dernier, aucun point. Là-bas, c'est le classement à 3 points, le fameux classement à 3 points. Donc, on donne 3 points pour une victoire, 2 points pour une victoire en prolongation, 1 point pour une défaite en prolongation et aucun point pour une défaite. Donc, ce qui fait que le Canada a eu 7 points, tandis que le Bélarus en a 8, le Bélarus qui a vaincu le Canada. J'ai bien hâte de voir ce classement-là en vigueur dans la Ligue nationale. Je pense qu'inévitablement, bon, on avait parlé un petit peu après le lockout de l'installer. Finalement, ça n'avait pas fait... C'est cher. C'est vraiment modifier les mœurs de la Ligue nationale. Oui, mais on l'a fait avec l'accrochage, modifier les mœurs, puis ça donne de quoi l'accrochage, parce que c'est sur le jeu, mais les points, c'est plus délicat un peu. La Ligue nationale, c'est un monde qui est très conservateur aussi, donc faut pas que tu t'attends... Oui, en effet, le seul et unique commissaire de la Ligue nationale en poste depuis 93, il n'a jamais bougé de là. L'homme basketball. Alors, le Canada se rendait plutôt en phase encore de finale. Ils affrontaient la Slovaquie et c'était une dégelée 9-1 en faveur du Canada. Les buts, c'est Caria, c'est Baker, c'est Farmanara, Brandon McLean 2 fois, Francis Charland, son premier du tournoi, les aides à Jean-Michel Risk et Carl Turkvitsk. Maxime Langeaillier parent aussi, on peut parler de Vosovic, Baker encore et Turkvitsk. Donc 2 buts Baker, 2 buts McLean, Charland aussi. Donc on l'a aisément emporté par du côté du Canada. Et finalement, le Canada se rend en demi-finale contre nul autre que la Russie, l'équipe qui a fini premier du classement dans son pool. Donc, on est assuré au moins d'un match de médaille de bronze du côté du Canada. Ce match-là, c'est demain à 20h, heure de Turquie. Donc, j'en déduis que c'est à peu près... ça va tourner autour de 5h le matin ici. Du côté des Universiades. L'autre match de demi-finale, ça va être le Kazakhstan contre le Bélarus, qui se déroule à 16h30 du côté de la Turquie. Donc la finale, c'est le lendemain, le 6 à 15h du côté turquie. Je vais vous tenir au courant, là, je vais contacter Francis Charland à savoir qu'est-ce qu'il a passé de toute son aventure. Ça devrait paraître dans le prochain Zone Campus, pas celui qui sort ce matin, mais celui qui sort dans 2 semaines, tout simplement, vendredi dans 2 semaines. Bon, on revient aux Patriotes. Patriote de la semaine, c'est Kim Gladue qui est un membre de la formation de volleyball qui a été encore une fois dominante pour permettre aux Patriotes de remporter les 3 victoires de la fin de semaine dernière en autant de rencontres contre les Citadines de l'UQAM, les Inuits de l'UQAC et les Nordais de l'UQAR. Nordais, un vent du nord maritime. Nord-est maritime. Kim, c'est son 2e titre de Patriote en 2 semaines. Très dominante, elle qui étudie présentement au doctorat en lettres, donc félicitations à elle. Soccer féminin. Les Patriotes vont être en action ce dimanche, 6 février, à 14h au Centre sportif à Alphonse-Desjardins. Ça sera pas facile comme match. Ça va être contre les Martlets de McGill. Les Patriotes présentement partagent le 3e rang avec le Vert et Or de l'Université de Sherbrooke en vertu d'une fiche de 2 victoires et 2 défaites, alors que Montréal et McGill détiennent une mince avance d'un point au premier rang de la Ligue universitaire du Québec. Je vous disais que ça serait pas facile contre les Martlets. Écoutez, l'équipe de McGill a défoncé le Bishop 12-0. La semaine dernière, donc un score de football ou de baseball peut-être plus, Phil. Pardon, parce que j'ai regardé une pub du Super Bowl excellente. T'écoutes pas là, matin. Non, là. Pas focus. Mais je suis dans le club, par exemple. Tu vas payer le prix. Oui, d'ailleurs. On en reviendra dans le club. C'est pas de ça que tu parlais, dommage. Mais la pub du Super Bowl était géniale avec 2 douaniers. Donc 12-0 McGill. Du côté des hommes, bien sûr, c'est contre les Redmen aussi. Alors, on sait que les Patriots ont subi un premier revers cette saison par le pointage de 3-1 contre les Carabins de l'Université de Montréal dimanche dernier. Ils occupent présentement le 5e rang avec une fiche de 1 victoire et 1 défaite. Les Redmen, de leur côté, détiennent le deuxième rang avec seulement 4 points. C'est un classement qui est très serré. Vraiment, les attaquants trifluviens là, devront produire, puisqu'en deux rencontres à date, ils n'ont pas contribué. Les seuls buts des Patriotes sont venus de la part du défenseur central Geoffroy Jouvin et le milieu défensif Jean-François Fournier. De plus, bon, les hommes de Pierre Clermont vont devoir faire preuve d'une grande discipline, pas mal plus de discipline, eux qui viennent de clore les deux premiers matchs du calendrier à cause d'un homme suite à l'expulsion d'un joueur, le carton double, carton jaune ou carton rouge, tout dépendant. Donc McGill, ça va bien côté soccer, ça, pas grand chose à redire là. Très performant, deuxième position pour les deux équipes. D'ailleurs, McGill s'était rendu en finale l'an dernier contre le Rouge et Or de Laval, saison intérieure, si je me méprise pas. Oui, saison intérieure, si je me trompe pas, en effet, saison intérieure, parce que saison extérieure, c'était l'affrontement entre les deux UDM et UQAM, non, c'était pas Laval? Oui, effectivement. Laval-UDM ou Laval-UQAM, un des deux. Ouais. Donc, je vous disais que c'était cool, Patriote, c'est terminé. Donc, on va aller à la musique. On va aller écouter un peu de Kamikaze avec la chanson Rien entre les deux oreilles. Au retour, on parle de hockey en Mauricie. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou! Bien me dire ce que vous faites là. Ben, on se met du foil. Ça protège les mains. Ouais, t'en veux-tu? L'inconduite de partie. Et Et vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. Vous voulez nous rejoindre, nos textes. J'ai mis un petit texte hier en ligne sur le Super Bowl. En plus de mettre un texte sur la victoire des Cataractes sur le site inconduitedepartie.com. Donc, allez lire. Vous voulez nous rejoindre en studio, c'est le live à commercial inconduitedepartie.com. Restez à l'écoute. On va avoir un petit concours tantôt, un petit prêt à gagner durant le segment Super Bowl en fin d'émission. Donc, c'est ça. On en a un, c'est rare qu'on ait des prix à donner, je suis content. Là, ben là, oui, oui, oui. Je fais un préambule à mon concours. C'est génial, ça. On fait tirer deux chars. Ouais. Puis, deux chars. Mm-hmm. Modèle réduit. Ouais. Un sur 40. Des Hot Wheels, mm-hmm. des roues chaudes. Donc, monsieur, j'ai oublié d'en parler tantôt pour les Patriotes. Il y a mercredi prochain, le match des Patriotes va être diffusé sur les ondes de C'est Fou. Non, pas sur les ondes de C'est Fou, plutôt C'est Fou.ca. Le match va être web diffusé, images, probablement images et sons. Donc, avec votre hôte Nicolas Ducharme et, oui, je parle de moi, à la troisième personne. Et un analyste qui est toujours à trouver, là. Non, seulement, tu parlais pas de toi à la troisième personne, tu parlais de toi à la deuxième personne du pluriel, c'est encore pire, là. Vous? Votre hôte, tu sais, c'est... Moi, je me vouvoie. Ouais, c'est comme step it up, la troisième personne. Je me respecte à ce point-là. OK, ouais. tu permets qu'on te tutoie? Hein? Tu permets qu'on te tutoie? Je vais accepter. Parfait. C'est bon. Donc, qu'on vous tutoie. En tout cas, whatever. Donc, c'est ça. C'est, et le match aura un happening patriote. Donc, on demande du côté des associations de se pointer au Colisée de Trois-Rivières. Il va y avoir des concours, il va y avoir plein d'activités. Après ça, c'est 10-12 et une belle soirée de folie et d'adultère. Donc, c'est ça l'université. Et non. Folie et adultère. Non, c'est pas ça. OK, désolé. Après ça, tu me reproches de pas t'écouter. Hey, wow. Tu dis des affaires de même puis tu me reproches de pas t'écouter. Ça y est, je me retourne dans mes pubs du Super Bowl. D'ailleurs, là, on voit un chimpanzé sortir d'une vieille Setanta. Je vais les mettre sur le Philippe, sur la page de l'inconduite. Ça va être pas pire, vous allez voir. Donc, c'est ça. Donc, pointez-vous là, les étudiants. On le sait, c'est gratuit en plus pour les étudiants. Fait que c'est pas comme si ça vous coûtait quelque chose. De toute façon, Philippe, veux-tu juste me dire si le Canadien joue mercredi prochain? Oui, attends un petit peu. D'accord. Ça sera bien long. Je ressors. Alors, on va y aller avec le hockey en Mauricie pendant que Philippe sort les informations. Tout d'abord, du côté du Coron et Gay. Le Coron et Gay va reprendre l'action ce soir à Trois-Rivières, dès 20h, en accueillant Donald Brashear et le 3L de Rivière-du-Loup. L'occasion sera belle pour les Trifluviens de rebondir et de stopper bon, à 4 la série de défaites et la glissade qui pourrait leur faire perdre l'exclusivité du deuxième rang du circuit Godin. Heureusement, le Coron Aigué est décimé. Le Coron Aigué. Il manquait un qui dans ma phrase. Heureusement, le Coron Aigué qui est décimé par les absences. Il y a plusieurs absences du côté du Coron Aigué. On sait d'un bord beaucoup de blessés. De l'autre côté, beaucoup de joueurs à la série Montréal-Québec. Oui. Je ne sais pas comment la Ligue nord-américaine prend ça. Ça a l'air qu'il y a un partenariat, là. J'ai écouté le match, un des matchs de la semaine dernière qui était radiodiffusé sur 106.9 du Coron Aigué. Okay. Et puis, on nous apprenait que, justement, le coach, là, a quelques ententes, si on veut, avec les joueurs, sans nécessairement être en faveur. Bon, il peut pas vraiment non plus leur laisser passer cette opportunité-là. J'ai l'impression que la Ligue est peut-être un petit peu dédommagée. Ouais, j'ai l'impression aussi. Mais en même temps, comme le coach Coron Aigué disait, ça laisse la chance aux plus jeunes, ça laisse la chance aussi à la relève, à ce qui s'en vient. Bon. Ça, c'est de la compote, là. Évidemment, mais je te dis ce qu'il dit. Voilà. J'interpréterai pas ses propos. Moi, j'analyse ce qu'il dit, là. C'est de la compote. Ça, c'est pas mon travail à moi. Ah, c'est nien. Alors, d'ailleurs, on va, par contre, du côté du Coron Aigué, on va pouvoir voir le retour de Simon Liberté, PJ Corsi, Philippe Dubois et Tommy Bolduc qui seront dans le retour de l'alignement de Dean Légitimacos. Le Coron Aigué du côté toujours de leur côté toujours au deuxième rang du classement général avec 38 points. Par contre, ils se sont fait devancer de loin par le Cool FM de Saint-Georges-de-Beauce qui a 47 points. L'Isothermique de Thetford chauffe les faufounes du Coron Aigué seulement un point derrière eux, tout comme le Saint-François de Sherbrooke. On va maintenant parler Midget 3A. Bon, ben Midget 3A, de leur côté, seulement un match cette fin de semaine. C'est dimanche contre les Forestiers d'Amos. Par contre, petite nouvelle du côté du Midget 3A. Changement à la présidence de la Ligue. Gaston Terrien va succéder à Claude Gauthier à la présidence. Donc, on était chercher un gros nom. Je ne sais pas si ça veut dire compétence. J'ose espérer que oui. Mais on était chercher un gros nom là du côté du Midget 3A. C'est correct. c'est correct. Je veux dire, si tu peux donner un peu de visibilité à ton circuit, surtout que Gaston Terrien, avec ses plugs à RDS, va pouvoir en parler un petit peu plus. Et ça, c'est jamais mauvais parce que Midget 3A et même Junior Major, c'est pas ce qui occupe le plus de temps sur les ondes du réseau des sports. Et finalement, du côté du hockey collégial, les Dragons du Collège La Flèche étaient en action la semaine dernière. Elles seront plutôt en action ce soir. La Flèche va affronter le Collège Harrington. C'est au centre de développement sportif Rousseau, là, c'est le fameux complexe à Joël Bouchard dans le coin de Montréal. Donc, ils vont affronter le Collège Harrington. Du côté du classement, La Flèche est toujours... je vous dis ça, La Flèche est au cinquième rang présentement avec 28 points. Un point derrière le collège Champlain-Saint-Laurent pour la troupe de Normand Meunier. C'est pas mal ça ce qui conclut pour le hockey à moi aussi. Bien sûr, je garde les cataractes pour tantôt du côté de tout ce qui s'est passé hier dans un match assez tumultueux. Merci, laissez-moi vous dire. On parle de 4 combats et demi parce qu'il y en a un où est-ce que les gars ont tombé, mais on n'a pas échangé assez de coups de poing pour que ça vaille la peine. Un peu comme le combat entre Rick DiPietro et Mike Johnson. Boom! Dans la Ligue nationale. Très cette belle semaine. Gauche. Boum! Hey, puis DiPietro, il sait se battre, là. Oui, oui, mais ça... Il n'est pas bien arrivé. Ça m'a rappelé Aaron Donnie contre Jesse Boris. Tu remontes. Boris, je sais, je remonte, qui jouait avec les Flyers à l'époque. Non, Boris jouait avec les Hurricanes. Et Donnie combat, les gars jettent et les gars tournent. Et c'est long, ils sont pas c'est battus, long. Pis, non. Et c'est long, puis là, ça s'étudie. Puis d'un coup, Boris décoche une droite plutôt. Dans le vide et Donnie s'expose le visage. Ping! Allez voir ça sur YouTube. Ils ont même, la station à Dallas a même ajouté le son ping sur le coup de poing. Je sais pas si tu te souviens, il y avait eu, on a eu pendant un certain temps à Montréal, un certain Raitis Ivanans. Oui, qui ben oui. Par la suite a été envoyé aux Kings de Los Angeles. Ouais. Son seul combat, en fait, à son premier match avec les Canadiens, qu'on dit Dino Chara, oui. Si je me trompe pas, se fait fracturer la joue. D'un seul coup de poing, écoute, c'était bon un peu triste à voir pour ouais. le pauvre Raitis. Raitis est magané. Chara, oui, oui, mais Chara qui je l'ai jamais vu perdre un combat. D'ailleurs, ils sont plus célèbres contre Vincent Lecavalier qui, pauvre Vincent, est couché à terre en pamoison en suppliant le bon Dieu d'achever ses souffrances. Avec la portée que Chara a, ça l'aide aussi. C'est un monstre, là, officiellement, Chara. Là, le Nicolas Valouef de la LNH. Oui, oui, mais pas avec pas mal plus de cardio. Et moins de poils. Ça peut pas être très difficile à battre. Hey, on va aller une pause au retour. Jonathan Bernier de ruefrontenac.com se joint à nous. On va parler du Canadien. On va voir les commentaires de Mike Camilleri et Max Pacioretty sur différents sujets. Vous êtes à l'écoute de l'inconduit de parti.com. On se reparle dans quelques minutes. Allô? Allô? Allô? Pourrais-je parler à Monsieur Leblanc juste une fois? Du lundi au jeudi, de 11h à 13h, ne manquez pas votre rendez-vous avec l'insolite international et la connerie humaine dans le Dîner de cons sur Cifou 89. Dans le cul, dans le cul, dans le cul! Va te faire foutre, tiens! Toi aussi, va te faire foutre! Oh! Mais quel connard, ce type! Je m'appelle François Pignon et je suis le con que votre mari devait emmener dîner ce soir. Jérémy, Jade et Julien vont à l'école. Julien pourrait ne pas se rendre au bout de son secondaire. Qu'est-ce que je peux faire? Comme parent, je l'encourage à sortir du lit. Comme employeur, je limite ses heures à 15 par semaine. Comme personne de son entourage, je lui donne une petite tape dans le dos. Entre le 14 et le 18 février, soulignons l'effort d'un jeune en lui envoyant une carte virtuelle sur soyonscompères.com. Vous êtes étudiant en génie? La Banque nationale vous accompagne pendant vos études et vous offre un programme financier très avantageux, conçu pour vous et adapté à vos besoins. Rencontrez un conseiller dès aujourd'hui à votre succursale au 5620 boulevard Jean 23 pour en savoir plus. De plus, courez la chance de gagner un voyage dans les Alpes. Tous les détails sur banquedesingénieurs.ca. La Banque nationale, votre partenaire durant vos études. Ta blonde ou ton chum te fait de la brume dans tes lunettes? Eh bien, débarrasse-toi-en. Les lunettes, bien sûr. Chirurgie au laser pour enfin être libre. Chirurgie Vision, 819-693-5757 ou sur le net, voirclair.ca. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie, également des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêt et bourse, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert Dessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. À l'UQTR, c'est plus dans vos oreilles. Les nouvelles sont une présentation de l'inconduitedeparti.com. Chronique, opinion et beaucoup plus. Tout d'abord, dans la LHGMQ, les Cataracs ont été plus que convaincants hier en l'emportant 8-0 contre le Screaming Eagle. Peter Sakaris a récolté un but et trois passes. Même chose pour ses coéquipiers Dave Labrec et Benjamin Cazavant. Le jeu blanc va à l'affiche du gardien Alex Dubo. Du côté de Chicoutimi, les Saguenayens l'emportent 3-2 contre les Huskies de Rouyn-Noranda. La partie s'est terminée en tir de barrage grâce à un but de Jonathan Bonneau. C'est la deuxième victoire en autant de parties depuis le congédiement de Richard Martel. Et les Titans ont laissé filer une avance de 4 buts hier pour finalement perdre 5-4 contre le Rocket de l'île du Prince-Édouard. C'est la quatrième défaite de suite des Titans. Au baseball, Andy Pettit annoncera sa retraite aujourd'hui lors d'une conférence de presse au Yankee Stadium. Le gaucher de 38 ans a complété 16 saisons dans les majeures. Il détient le record pour le plus grand nombre de victoires en série. À Chicago, Alexis Ramirez et les White Sox ont conclu une entente de 4 ans qui donnera 32,5 millions US à l'arrêt court de 29 ans. Le Cubain a produit 70 points en 156 rencontres des White Sox. Dans la Ligue nationale de hockey, c'est ce soir face aux Sabres de Buffalo qu'Evgeny Malkin effectuera son retour au jeu avec les Pingouins. Il a raté les 5 dernières parties des siens et le week-end des étoiles en raison d'une blessure à une jambe. Pittsburgh est toujours privé de Sidney Crosby et maintenant de Mark Letestu qui ratera de 4 à 6 semaines d'activité en raison d'une opération à un genou. À Ottawa, Jason Spezza devrait effectuer son retour au jeu samedi face aux Islanders. Spezza a raté les 15 derniers matchs de son équipe en raison d'une blessure à une épaule subie au lendemain de Noël. Les Sénateurs peuvent se réjouir de ces nouvelles, eux qui n'ont pas gagné à domicile en l'absence de Spezza. Et finalement, en sport universitaire, ne manquez pas les rencontres des Patriotes soccer masculin et féminin face à McGill dimanche au centre Alphonse Desjardins dès 16h. Voilà, c'était vos informations sportives de l'inconduitedeparti.com. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook. La Rivière, le 16e. Oh, attention! Birdie! Incroyable! Renversant superbe! C'est un, dans son cas, là, c'est un 5e consécutif. Un 7e pour l'équipe. Incroyable. Le conduit de partie. Regardez sa réaction. Il n'en revient pas. Et vous êtes de retour à l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. Il se joint à nous par téléphone en direct de l'Assomption, M. Jonathan Bernier. Ça va bien, Jonathan? Oui, ça va bien, toi? Eh oui. Et Jonathan, je lisais le La Rue Frontenac de hier, hier, au niveau des dates. Vous y êtes allé assez fort sur le spécial Super Bowl? Ben écoute, c'est quand même l'événement de la fin de semaine. Et de l'année, même. Et de l'année, donc on peut pas passer à côté. Fait que c'est ça, on a fait un spécial Super Bowl sur les prédictions, les forces en présence des deux côtés, évidemment, l'influence de la publicité, en fait, l'influence du Super Bowl sur la publicité, et puis un petit peu, un petit historique aussi, là, des 44 premiers Super Bowls. D'ailleurs, écoute, tu seras pas avec nous tantôt dans l'émission, donc je vais te demander tout de suite ta prédiction pour cette fin de semaine. Ben, moi, j'ai un petit penchant pour les Steelers. La ville de l'acier. La ville de l'acier, pour l'expérience, je pense qu'il y a une vingtaine de joueurs qui en sont à leur troisième Super Bowl en 6 ans. Donc, ça, je pense que ça va peser beaucoup dans la balance. J'ai également confiance en Ben Roethlisberger, qui est plus performant sur le terrain qu'à l'extérieur. Et plus fiable, je devrais dire, plutôt, sur le terrain qu'à l'extérieur. Et puis, c'est ça, même s'il traîne encore peut-être des séquelles de sa blessure, j'ai l'impression que Troy Polamalu va également rehausser son jeu, puis donc faire en sorte que l'attaque des Packers va être en difficulté. Ça va être très intéressant. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu, je trouve, un Super Bowl aussi intéressant que ça, au niveau des forces en présence. C'est ça, mais en plus, c'est un Super Bowl, on dirait un Super Bowl classique. Fois, au hockey, on parle des 6 équipes originales. On est dedans, là. Mais il me semble que Packers, Steelers, ça ramène aux années 70. C'est la première fois que je vais écouter le Super Bowl et que j'ai vraiment aucune idée quelle est mon équipe préférée. Tu sais, je prends pour les Steelers parce que, bon, pour la dynastie puis pour tout ce qui vient avec, mais tu sais, ça me ferait pas de peine que Green Bay gagne. Je trouve vraiment qu'on a un beau Super Bowl là, devant nous, en espérant que ça finisse pas 47-3 pour une des deux équipes. Là. Ouais, en espérant, mais ça me surprendrait. Ouais, moi aussi, mais j'imagine qu'on va avoir un bon spectacle. Là, c'est ça, les deux équipes sont sont très bien équilibrées. Puis je pense qu'on n'a pas vraiment. Mis à part les Patriots là, qui ont été sortis dans les premières semaines, là, j'ai pas l'impression qu'on a vraiment une surprise en finale là, du Super Bowl. C'est quand même deux équipes qu'on savait bonnes. Ouais. On s'y attendait un peu là, que ces deux équipes-là se rendent au moins jusqu'en finale d'association, mais là on les a en Super Bowl, donc ça devrait bien aller. Donc, Jonathan, on va maintenant parler de ce qui est ta spécialité, c'est-à-dire le Canadien de Montréal. Canadien qui dispute deux matchs en fin de semaine. Tout d'abord, tu voulais nous parler de Mike Camilleri? Oui, bien, en fait, c'est ça. Au début de la semaine, Jacques Martin disait espérer, ou en tout cas avait confiance de voir Mike Camilleri en uniforme pour les matchs de la fin de semaine, ce qui ne sera pas le cas, mais puis ce qui est loin d'être le cas, en fait. D'ailleurs, je ne comprends pas vraiment comment Jacques Martin a pu avancer ça. Parce qu'hier, je suis allé donc à Brossard pour l'entraînement, puis j'ai vu Mike Camilleri. J'ai vu Mike Camilleri s'entraîner en solitaire, puis c'était la troisième ou quatrième fois donc qu'il chaussait les patins depuis la blessure. Quand il touchait la rondelle, il y avait une main sur son bâton, c'est la main d'en haut, là. Donc il prenait pas de lancer au but, il a touché à la rondelle, c'était seulement pour le fun de lui toucher, finalement. Sinon, c'était juste des exercices de patinage pour garder la forme, un peu de power skating puis de la pliométrie. C'est pour ça que je me demande comment Jacques Martin a pu estimer que Mike Camilleri pourrait être de retour en fin de semaine, parce qu'on est très loin de ça. Donc, si on prend pas de tir encore, on est encore loin des entraînements avec contact. Ça, c'est une autre étape qu'il va falloir franchir avant d'espérer un retour au jeu. Même lui, quand on lui a parlé après l'entraînement, puis il s'estime encore très loin d'un retour au jeu. La preuve, c'est qu'à un moment donné, vers la fin de l'entrevue, là, plusieurs journalistes sont partis. Il restait moi puis quelques journalistes anglophones. Puis, étant donné que la classique héritage s'en vient, là, le match à l'extérieur à Calgary, les gens commencent, si on veut, à faire des papiers là-dessus. Et le journaliste anglophone, bon, lui demandait, parce que Mike Camilleri, on se souviendra qu'il a participé au premier match de hockey en plein air à l'époque où il portait les couleurs de l'Université du Michigan. Et puis, donc, le journaliste lui posait des questions là, sur les souvenirs qu'il avait de ce match-là. Fait que moi, je lui ai demandé est-ce que, justement, cette période-là, là, ce match-là, le 20 février, est-ce que ça peut être un bel objectif pour toi pour revenir au jeu? Puis on peut entendre sa réponse. I'd like to be back yesterday, so, but I'll really want to be playing on that road trip for sure. Donc, il dit, bon, évidemment, j'aurais aimé ça être revenu hier, ou en tout cas, c'est dès le lendemain de la blessure. Mais il dit, j'aimerais ça faire partie de ce voyage-là, le voyage qui va les mener à Edmonton, Calgary et Vancouver à partir du 17 février. Donc, tu sais, j'aimerais ça être là. Oui, parce que tu sais pas, oui, la Ligue nationale se lance dans des matchs à l'extérieur. Là, on en a deux cette année. On parle d'en avoir une quarantaine l'an prochain. non, sérieusement, c'est quelque chose que tu risques de pas voir passer dans ta carrière. Surtout si, bon, là, on est avec le Canadien de Montréal, c'est un peu moins pire, mais si tu t'en vas évoluer pour une équipe, bon, Camry, même, qui a déjà évolué avec Los Angeles, moins de chances d'avoir une classique extérieure avec les Kings. C'est Ty Conklin qui a fait les trois premières de suite, là, avec trois équipes différentes. Ouais. C'est aussi quand même, là, c'est... D'un côté, c'est vraiment une chance que t'as, et de l'autre côté, ça veut dire que t'es vraiment pas un goaler primordial si l'important, c'est d'être échangé à trois équipes différentes. Il a joué les trois, c'est ça qui est le plus... Mm. Tu sais, je veux dire, c'est un gardien remplaçant, Ty Conklin, et a réussi à jouer les trois classiques. Tout à fait. Puis, en fait, la raison pour laquelle je disais, tu sais, oui, je mets l'accent sur « j'aimerais ça être là ». Oui, j'aimerais ça être là parce que c'est un match spécial, mais moi, j'ai plus senti ça « j'aimerais ça être là », voulant dire... Je sais pas si je vais être capable d'être là, mais j'aimerais ça être là. Puis en fait, en plus, la date tomberait... Tu sais, au début, quand il est tombé, là, quand il s'est blessé, on a su la nature de sa blessure, et on se dit, bon, Mike Camilleri va rater un mois. D'après ça, c'était rendu deux semaines. Mais le 20 février, ça arriverait pas mal pile sur le mois, étant donné que sa blessure est survenue le 18 là, du janvier. Donc, ça aurait plus de bon sens, puis... On voit là, qu'il travaille fort parce que ça le démange pas mal. Ben, je comprends. Ça me fait penser la série qu'on a eu l'occasion de voir pendant les fêtes entre Washington et Pittsburgh. Oui. Et puis, à un certain moment, Evgeny Malkin était à l'écart du jeu. Puis, on le voyait pendant une pratique, justement, qui était là, puis qui patinait un peu, puis qui voulait. Puis, à un moment donné, Dan Bylsma annonce qu'on va pratiquer le 5 contre 3. Puis Malkin dit, hey, 5 contre 3, je peux le faire, là, je peux la pratiquer, puis tout. Puis tu voyais qu'il voulait vraiment revenir, qu'il poussait fort. Ça me fait un peu penser à ça aussi, Camilleri. On va commencer à s'entraîner, on va juste sentir un peu la rondelle pour essayer de revenir le plus rapidement possible, puis avoir moins de. Phil, puis moi, je me connais plus au niveau du fait que je couvre les Patriotes ici à l'UQTR, mais je vois un gars comme Alexandre Demers, capitaine d'équipe, qui son genou est très magané présentement. Puis j'avais une interview avec lui l'autre jour, puis écoute, le gars, il est démoli de pas pouvoir aider son équipe. Tu sais, je veux dire, c'est pas pour rabaisser les Patriotes, mais c'est du hockey universitaire. Là. Imagine quand t'as la chance de disputer une classique héritage et d'aider ton équipe à rentrer aux séries éliminatoires, de gérer ça. C'est sûr que les gars sont un petit peu plus habitués de gérer ça chez les pros, quand t'as une saison de 82 matchs, ça passe moins vite qu'une saison de 28 matchs. Mais ces gars-là, c'est ça leur vie, c'est de jouer au hockey. Et ce qui rend la tâche encore plus difficile pour Max, pour Michael Camilleri. Pour Mike Camilleri, d'autant plus que c'est pas la saison, c'est pas sa meilleure saison, disons. Fait que ça vient un peu ajouter à sa frustration, j'imagine. Puis, il aimerait ça terminer en force. Fait qu'il espère revenir à 100% pour garder un bon souvenir. En fait, faire oublier son mauvais début de saison, je peux dire. D'un autre côté là, qui va très bien, c'est Max Pacioretty. Est-ce que finalement il commence à arriver là, d'après toi là? Ben moi je pense qu'il commence à arriver. Je vais t'expliquer pourquoi. Si je reprends ça du début là, quand il était rétrogradé là, quand il était retranché au camp d'entraînement, il a pris ça mal. On le comprend là, il avait travaillé fort, mais tous les jeunes. Excuse-moi. téléphone Jonathan. Ouais un instant. Juste, donc c'est ça, tous les jeunes rêvent de faire partie du Canadien de Montréal, évidemment. Puis lui, il savait qu'il était sur le bord parce que l'an dernier, bon, il a fait au moins la moitié de la saison avec l'équipe. Il était retranché à Hamilton. Il s'est blessé une fois rendu à Hamilton, donc ça a un peu nuit à son développement ou à son possible retour avec le Canadien. Cet été, il s'est entraîné fort pour augmenter sa masse musculaire et se renforcer au niveau du haut du corps, parce que là, on voit en lui un attaquant de puissance, un power forward, donc il a mis un peu des efforts pour se développer en ce sens-là. Puis là, il arrive à la fin du camp d'entraînement, puis Jacques Martin lui dit « C'est beau, t'as travaillé fort, t'as connu un bon camp, mais tu vas quand même commencer la saison à Hamilton. » Fait que là, il est parti à Hamilton de reculons, évidemment. De reculons, il a quand même fait le commentaire de « Je veux pas revenir à Montréal cette année. » Ben, c'est ça. Donc, il reculait quasiment en courant, finalement, si je peux dire. Il était vraiment, vraiment de reculons. Il reculait en deuxième. En deuxième vitesse, tu sais. Puis, donc, c'est ça, il a brûlé la ligue. 32 points en 27 matchs au moment où il a été rappelé. Puis, c'est ça, j'allais un peu embarquer dans le point que t'apportes. Là, au mois de novembre, il a décidé, en fait, il a déclaré que de la façon que ça fonctionne à Montréal, je suis aussi bien de rester à Hamilton. Puis là, bon, en tout cas, c'était une déclaration un peu maladroite, hein. On dirait que ce qu'il voulait dire, c'était d'autres choses, mais ça a sorti tout croche. Ouais. Puis là, à ce moment-là, on pensait bien que son chien était mort pour la saison. Finalement, un mois et demi plus tard, bon, écoute, je pense que Jacques Martin n'avait pas le choix non plus, étant donné que Patrick connaissait un excellent début de saison là-bas. 32 points avec 7 matchs. Il dominait la colonne des pointeurs de la Ligue américaine au moment de son rappel. Donc, en tout cas, ça pour dire qu'il a été rappelé. C'est pas comme si on n'avait pas besoin de lui à Montréal. Non, en plus, c'est ça, tu sais. C'est un peu. Voyons. C'est un joueur. Donc, le style lui manque un peu. Le style de ce joueur-là nous manquait à Montréal. C'est à la garderie, Jonathan? Ben oui, je pense que c'est ça qu'il appelle. La garderie, t'es fait la roulette. Sarah a fait des mauvais coups, là. Ouais, peut-être. Bon, en tout cas, ça pour dire, pour revenir à nos moutons, que Max Maturity est le style de joueur un peu qui manquait aux Canadiens. On reproche souvent aux Canadiens d'avoir des petits attaquants, puis que les gros attaquants comme André Costitine et Benoît Pouliot sont pas réputés pour leur implication physique. Donc, tout ça pour dire que Max Pacioretty, depuis la mi-décembre, c'est le 15 décembre qu'il a été rappelé, il fait tout un travail, il s'implique physiquement, toujours devant le filet, il est même prêt à recevoir les tirs de ses coéquipiers dans les côtes, joue blessé. Puis dans le match contre les Panthers, on a vu vraiment toute l'étendue de son talent ou de ce qu'il peut apporter à l'équipe. Encore une fois, les mises en échec, se place devant le filet, est un élément important en avantage numérique. Il crée des revirements en zone neutre. Il a créé deux revirements. En fait, le deuxième et le troisième but face aux Panthers, c'est lui qui est à l'origine de ces buts-là. Il a également provoqué un revirement qui lui a permis de se présenter en échappée contre Thomas Vokoun. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné, mais en tout cas, le jeu était là quand même. Et puis, donc, il n'hésite pas à foncer au filet, ce qui aide grandement ses coéquipiers. Puis justement, tous ces obstacles-là qu'on vient de parler, là, son retranché, le fait qu'il a été rétrogradé l'année passée, retranché cette année, sa blessure, il dit que ça lui a beaucoup aidé dans son développement et ça a fait de lui aujourd'hui un meilleur joueur. On peut l'entendre. And it makes the feeling that much better knowing all the obstacles that I've, overcame the past year. And, it's been a lot of different decisions going into my development, and a lot of them, I think, have turned out to be the right ones because of where I am now. Yeah. Donc, il dit qu'il y a beaucoup de décisions dans sa carrière qui, au moment de les prendre, il était probablement indécis, mais qu'aujourd'hui, il se rend compte que ça a été les bonnes décisions. Et puis, je pense qu'à travers cette réponse-là, on peut peut-être sentir une sorte de reconnaissance ou d'excuse envers Jacques Martin. Ouais, peut-être on a gagné de la maturité de son côté. Ouais, aussi également. Et puis, ça m'amène à parler d'un autre joueur qui est Lars Eller. Lars Eller, il est rendu à 21 ans. Lui, il a passé seulement une saison dans la Ligue américaine. Donc, l'an dernier, avec les Rivermen de Peoria, là, le club école des Blues. Et puis, je me demande si ça lui ferait pas du bien à lui aussi de passer voir un peu de hockey. Mais c'est un peu ça que Thomas Plekanec disait. Il disait que Pacioretty a passé 3 ans dans les mineurs. Mm-hmm. Et Plekanec aussi. Puis ça apporte de la maturité. Des fois, les jeunes joueurs arrivent à Montréal. Surtout à Montréal, on leur demande, tu sais, on les prend pour les héros et tout ça. Je crois que oui, Eller. Mais Eller s'est fait indiquer de se trouver un appartement à Montréal, si je me trompe pas. Tu te trouves avec des harnais, je pense. Ah, ben possible aussi, mais j'ai entendu qu'il y avait tous eu à la certification, la garantie, exactement. Surtout qu'il y avait, c'est ça, quand tu commences la saison à Montréal, puis rendu à mi-saison, habituellement, t'as le feu vert, mais c'est ça, moi, je parlais de dernier, étant donné qu'il avait été, c'est le dernier rappelé. Mais oui, un petit séjour dans la Ligue américaine, là, moi, je pense que ça, tu sais, quand tu le regardes, là, c'est un grand bonhomme. C'est un bonhomme qui risque d'être je dirais pas un power forward parce qu'il n'y a pas le tempérament pour ça, mais c'est un gars qui risque de prendre la place un jour sur une patinoire. Mais quand tu le regardes, il est grand, mais il est encore frêle un peu. Il a besoin de développer de la masse. Ouais, un peu comme Pacioretty l'an dernier. Tu le regardais, tu voyais que c'est un gars imposant, mais que dans les coins de patinoire, il était facile. Des bagarres à un contre un, là, il était facile à déplacer. Ouais, on pensait tout le temps qu'il allait sortir sur une civière à la fin de chaque match. C'est ça. Là, donc, des fois, quand tu jouer contre des meilleurs que toi, oui, ça aide à l'amélioration, mais parfois, quand tu te mesures à ton calibre, ça te donne confiance, puis ça te permet aussi d'évoluer tranquillement, puis de pas précipiter les choses. Est-ce que tu crois, Jonathan, que le Canadien pour aller chercher un joueur, on a de la place en dessous du cap un peu pour permettre à Heller de s'en aller vers les mineurs, aller chercher un joueur de troisième, quatrième trio, peut-être avec des qualités défensives, avec des qualités un petit peu plus défensives? Comme on en parle souvent depuis quelques semaines, là, je reviens toujours à la déclaration de Pierre Gauthier au mois de décembre. Il n'a pas l'air intéressé à venir chercher un joueur de location. C'est sûr que pour ce qui est d'un gros joueur, là, un joueur d'impact, ça, je pense qu'on peut oublier ça. Un joueur de soutien, ça pourrait être possible. On l'a vu l'année passée, il l'a fait. Je sais pas si c'est lui ou Bob Gainey, je me souviens plus, avec Dominique Moore. C'était le premier geste de Pierre Gauthier. Ouais, le premier geste de Pierre Gauthier, hein, c'est ça, OK. Donc, lui, il n'est pas fermé à ça. Ce qu'il va le faire cette saison, j'ai bien de la misère. J'ai de la misère à cerner l'équipe cette année. D'autant plus que le classement est tellement serré dans les deux associations que je ne sais pas qui va être vendeur, en fait. Est-ce qu'il y a des équipes qui vont lancer la serviette? On peut penser évidemment là, aux Islanders peut-être, ouais. Là, aux Oilers. Malgré que les Oilers, c'est surtout des jeunes, puis les autres, ils veulent les garder pour les prochaines années. Ouais, l'avenir est beau à Edmonton. L'avenir est très beau à Edmonton. À part Ottawa, il n'y a pas grand équipe qui va être vendeur à 100%. Là. Non, c'est ça. Puis Ottawa, honnêtement, pas grand-chose à vendre. Ouais, c'est comme une vieille vente de garage plate de fond de rang. Ouais. Et tu sais que tu vas pogner genre des humidificateurs, des vieux patins tuyaux, puis un cube Rubik. le seul joueur qui est alléchant un peu, c'est Mike Fisher. Hein. Ouais. Un chandelier en cuivre. En macramé. En macramé. Hey, Jonathan, en terminant, peux-tu nous parler des deux matchs de la fin de semaine? Comment tu vois ça du côté du Canadien? Est-ce qu'on s'en sort avec 4 points, 3 points ou aucun point? Ben, faut qu'on s'en sorte au moins avec 3 points, je dirais, là. Donc, les deux principaux points demain contre les Rangers, c'est un adversaire... Match de 4 points. Match de 4 points, un concurrent direct dans la course aux séries. Le Canadien a présentement un point de plus que les Rangers, avec deux matchs en main. Donc, une victoire demain donnerait un petit coup de pouce au Canadien. Là, c'est un maigre coussin de 3 points, mais quand même, quand tu veux participer aux séries, là, c'est ces matchs-là qu'il faut que tu remportes. Faut que tu gagnes des séries de matchs dans une saison contre des équipes contre qui tu te bats pour une place en série. Et puis, le Canadien a gagné les deux derniers matchs contre les Rangers. Fait que ça donnerait la série aux Canadiens. Donc, ça serait une affaire qu'on pourrait classer de ce côté-là. Les Rangers, ça va pas très bien non plus par les temps qui courent. Ils ont perdu 7 de leurs 11 derniers matchs, dont les deux. Dans cette série-là, il y avait les deux contre les Canadiens. Fait que selon moi, en tout cas, le Canadien ne doit pas échapper le match de demain. C'est le match, le premier match le plus important. Mm-hmm. Parce que là, d'ici la fin de la saison... Ah, là, en route vers les séries. Là, ils vont dire, ça, ce match-là, c'est le match le plus important de la saison. La semaine d'après, ça va être le match le plus important de la saison. Mais là, je pense que celui-là, demain, c'est le premier de la liste. C'est qui, Carbonneau, qui avait dit, on commence une nouvelle saison à peu près à trois fois dans la même saison. Exact. Fait que si tu t'écoutes parler, tu parles de premier match vers la route, vers les séries. Est-ce que tu as changé ton fusil d'épaule et le Canadien va faire les séries? Ben non, je n'ai pas changé mon fusil d'épaule. Moi, je te dis ce qu'ils doivent faire pour participer aux séries. Mais ça va être difficile, en tout cas. Et je vois difficilement comment le Canadien va pouvoir être exclu des séries. Quand même un bon coussin. Ouais, on a un bon coussin. Surtout, Caroline, hier, qui a mangé une reine contre Toronto. Surtout si on finit de la même façon qu'on a fini les dernières années, c'est-à-dire juste correct pour se classer, puis après ça, en série, on verra bien. Comme on l'a vu la dernière, là, finalement, on était capable de battre tout le monde dans la ligue, là, ou presque. Là. Non, effectivement, il commence à avoir un bel espace entre le Canadien et la 9e place, mais en tout cas, on peut pas quand même se permettre là, de série de défaites. C'est moins pire que dans l'Ouest, par contre, là, où il y a 5 points qui séparent la 4e place de la 11e. Mais on peut pas non plus dans l'Est là, créer victoire trop rapidement. Et le match de dimanche face aux Devils du New Jersey, qui vont pas mal mieux par les temps qui courent. 8 victoires à leurs 10 derniers matchs. Pendant cette période-là, Martin Brodeur a retrouvé un peu sa touche. Moyenne de 2 avec 2 buts alloués avec un blanchissage. Donc, ça ne sera pas facile pour le Canadien parce que, évidemment, à chaque fois que Martin Brodeur vient à Montréal, c'est jamais facile. D'ailleurs, même si ça allait mal en début de saison, il a réussi à blanchir le Canadien quand même. Ah, ben ça, je m'en ai dit, avec Brodeur, c'est jamais facile. En plus, les Devils vont avoir congé samedi. Ils jouent ce soir là, contre les Panthers, mais demain, ils sont en repos. Donc, ils vont arriver à Montréal probablement demain. À part ça, qu'est-ce que je peux vous dire? Ben, écoute, honnêtement, Jonathan, on commence à dépasser notre temps. On va arrêter ça, là. Mais donc deux matchs en fin de semaine et on espère deux victoires si on veut solidifier notre place au classement. Ben les matchs contre les équipes de l'Est là, c'est toujours les plus importants, puis le calendrier de la Ligue nationale fait en sorte que c'est ces matchs-là qui arrivent à la fin, et puis c'est fait exprès justement pour garder le suspense jusqu'à la dernière journée du calendrier. Pour le show. Exact. Hey, merci beaucoup Jonathan. Ça fait plaisir. Bonne Salut. Journée, bonne fin de semaine. Bye bye. Donc, c'était Jonathan Bernier de ruefrontenac.com. N'hésitez pas à aller lire les textes sur Rue Frontenac, le journal des Lacantais du Journal de Montréal. Ça va en musique, on s'en va écouter un peu de Grimmskong. On vient dans le passé ce matin avec la chanson Live, le gouvernement songe. Vous écoutez l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou! C'est fou, et vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. On va continuer, on va maintenant parler d'hockey junior majeur. Les Cataractes étaient en action hier face aux Eagles de Cap-Breton et ils n'ont fait qu'une seule bouchée des Eagles. C'est une victoire de 8-0. C'est dommage pour les Eagles, ça avait quand même bien commencé. On a connu une bonne première période, 11-8 les tirs en première période, mais on n'a pas su profiter de nos chances du côté des Eagles et on a même touché deux poteaux en l'espace d'à peu près 15 secondes, ce qui a fait, bon, ben quand tu réussis pas à profiter de tes chances comme ça, t'ouvres la porte grande à tes adversaires. Et c'est d'ailleurs Michael Bournival qui a compté le premier but des Shawiganais, a repris un disque, un garbage goal, un peu comme on appelle dans le jargon. Benjamin Cazavet a fait un peu la même chose, mais de façon légèrement plus belle, un petit peu plus tard en première période, c'est-à-dire quelques secondes plus tard, une trentaine de secondes plus tard. C'était 2-0, ça a cassé les jambes des Screaming Eagles. Et bon, le chemin s'est ouvert après ça. En deuxième période, Ryan Kavanagh, Dave Labrec, Peter Sakaris. Plutôt Dave Labrec, c'était 4-0 à la fin de la deuxième. Et en troisième période, Peter Sakaris, Ryan Kavanagh, Samuel Hodod et Benjamin Cazavant qui sont venus compter pour mettre la marque 8-0 plutôt. Dans cette victoire des Cataractes, on peut parler, écoutez, les fiches. Peter Sakaris, 4 points, un but, 3 passes. Kavanagh, 2 buts, 1 passe. Veilleux, 3 points. Labrec, 1 but, 3 passes. Bournival, 2 points. Cazavant, 2 buts, 1 passe. Donc, rappelez-vous des points. Hein, là, le premier trio composé de Labrec. Cazavant et Sakaris ont été partout hier. Ça a été une grosse performance de leur côté. Le blanchissage, à l'affiche d'Alex Dubo, c'était lui qui était dans les filets au lieu de Gabriel Girard qui a obtenu une soirée de congé. Et c'était un match très, très, très agressif, mesdames, messieurs. On a eu droit à 4 batailles et demie. Comme je disais, que les gars ont tombé, mais qu'on n'a tout de même pas donné un code de bataille. On y a plutôt été pour rudesse et conduite antisportive du côté de West Ayrault du Cap-Breton. Mais vraiment, là, très, très, très, très tough comme batteur. Et même Blake McMillan, on avait dit, ben, je vous ferai écouter tantôt, Jonathan Racine qui s'est pris contre Blake McMillan, un des hommes forts du côté de Cap-Breton, on sait un peu. Pas Millen, Blake Millen, et non pas Blake Millman, excusez-moi. Blake Millman. On sait un peu ce qu'il peut faire avec ses points. C'est un gros bonhomme. On parle d'un joueur de 6 pieds 5, 245 livres, originaire de Toronto. Très gros bonhomme. Et donc, c'est pour ça qu'on avait dit de pas y aller. Et vous allez pouvoir écouter les commentaires d'Éric Veilleux là-dessus. Les étoiles dans ce match, c'est Peter Sakaris la première, Alex Dubo la deuxième et Ryan Kavanagh la troisième. Il y avait quand même 2800 personnes hier au centre Bionès, ce qui est une bonne foule pour bien des équipes. C'est une foule correcte du côté de Shawinigan. Et félicitations à tous les Shawinganais là, qui appuient leur équipe. Équipe qui performe de mieux en mieux au classement que je vais vous parler un petit peu plus tard. On va aller écouter les commentaires. On a demandé à Éric Veilleux, l'entraîneur des Cataractes, ce qu'il avait pensé du jeu physique un peu salaud de Cap-Breton et de sa décision d'utiliser ses gros canons en fin de match. Veilleux qui a pas relâché la machine. Donc, on va aller écouter ses commentaires sur le sujet. Bon, je trouvais ça innocent, honnêtement. Je trouvais le déroulement de la game, là. C'est pas comme ça, on frappait souvent. Là. On avait souvent rondelles, on se faisait frapper. Puis on prenait nos coups. Puis quand on en donnait une moyenne, mettons, une bonne mise en échec, ça finissait à la coup de double échec d'en face, là, regarde. Je trouvais ça très moyen, là. C'est rare que je fais ça, c'est vraiment pas dans mes habitudes. Je suis pas un gars de statistiques, je suis pas un gars qui... Tu sais, j'aime mieux donner la chance à d'autres joueurs de jouer sur le power play, puis mon pourcentage de power play descendre que faire que ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est habituellement comment je suis, mais aujourd'hui, non. Je trouvais ça grand manque de contrôle. Je pense que le terme grand manque de contrôle est bon là, du côté d'Éric Veilleux. D'ailleurs, il s'est passé un événement en troisième période. Spencer Metcalf, qui est un défenseur robuste du côté de Cap-Breton, qui s'en est pris à Samuel Hodod sur le banc des joueurs des Cataractes. Du côté de Cap-Breton, on dit qu'il a reçu un coup de poing. Du côté des Cataractes, bof, non, c'est rien. Il s'est pas vraiment passé grand-chose. Donc, on va voir s'il va y avoir des choses supplémentaires du côté de la Ligue. J'en doute fort. La caméra n'était pas tout à fait dans l'espace pour filmer ça. Donc, j'en doute fort. On va aller écouter les commentaires de Mario Durocher, l'entraîneur des Screaming Eagles. Bon, je disais tantôt, les Screaming Eagles ont connu une bonne première période. On leur a demandé ce qui s'était passé pour que la rencontre vire de la sorte. Franchement, qu'on a manqué des buts en avantage numérique, c'est ce qui a fait la différence. Là, parce que, comme tu dis, on a joué une bonne première période. Et après ça, quand c'est mis contre les 4-0, on a comme fermé les livres. On s'est gardé un message, mais qu'ils reviennent à Sherwin, mais qu'ils reviennent au Cap. C'est la seule chose que je peux dire. T'as pas aimé la fin de match quand Greg il envoyait ses gars, quoi? Oh, ça, regarde, c'est. On a joué au goon un peu, fait que c'est normal qu'il nous fasse payer de l'autre façon, je respecte ça. C'est juste que j'ai peut-être pas aimé qu'en première période, c'est quand on marquait ma 4, on marquait sa première, mais encore là, il était à la maison. Pour avoir la chance de se prendre, tout simplement. C'est les gars ont joué frustrés. Le score est indiqué. Mes gars ont joué frustrés, tu sais, mes gars, on parlait de manque de contrôle du côté d'Éric Veilleux, mes gars ont joué frustrés, sans dire non un peu sur ce qui s'est passé de ce côté. Donc, grosse victoire du côté des Cataractes. Et vraiment, je vous parle du classement de la ligue présentement, c'est extrêmement serré. Les Cataractes ont fait un bond, on a monté d'une position hier au classement, on est maintenant en 7e position, à seulement un point d'Acadie Batters, qui eux ont perdu hier, mais en prolongation, ce qui fait qu'ils ont monté au classement. Toutefois, Acadie Batters, 2 matchs en main. Gatineau, qui sont au 8e rang, qui ont un match de moins de plus de jouer que les Cataractes, s'amènent ce soir au Centre Bionès. Donc, c'est faut pas galvauder le terme, là, mais dans ce cas-ci, c'est un match de 4 points, réellement. Et on est à égalité au classement, les deux équipes. Donc, ça va être un excellent, excellent match ce soir. Philippe-Michael DeVos qui va faire son retour, meneur de la Ligue, et pas à peu près du côté de Michael DeVos. Là, je vous sors les statistiques dans quelques secondes. DeVos... a 86 points, il devance Gabriel Lévesque qui en a 76, donc une avance de 10 points pour DeVos. J'espère pour lui le voir se trouver une place chez les professionnels. Il me semble que ça serait quelque chose, lui qui a pas été repêché. Pourtant, c'est pas un petit bonhomme DeVos, on parle de 5 pieds 11, 184 livres. Je veux dire, c'est un physique qui est quand même capable d'évoluer chez les pros, à mon avis, mais... Il n'y a rien qui a ouvert pour lui. J'imagine que les offres vont venir en fin de saison, un peu comme ça avait été le cas pour plusieurs joueurs de 20 ans qui s'étaient illustrés lors de leur dernière année dans la Ligue d'Hockey Junior Majeur du Québec. Ce soir, les Cataractes reçoivent donc les Olympiques de Gatineau. Je vous laisse écouter la question du collègue Steve Turcotte et la réponse d'Éric Veilleux. 6e match en 10 jours demain face aux Olympiques de Gatineau. Un vrai match de 4 points. Les deux équipes sont pratiquement nez à nez au classement. Est-ce qu'il reste d'énergie en réservoir? Ça, c'est sûr et certain. Il en reste toujours, premièrement. Regarde, je pense que le 610, c'est un petit peu la même situation là, qu'une série de playoffs. Là. Donc, regarde, il reste du jeu encore. Et puis, c'est important pour nous autres de vider ça là, au complet demain. Puis, on va se reposer après. Donc, très bonne analyse du côté d'Éric Veilleux. Je pense qu'on va avoir droit à un excellent match du côté, je viens de le dire, là, j'ai dit tantôt, mais on va avoir droit à un excellent match du côté des Cataractes. Dernière petite nouvelle du côté des Cats de la Cité d'Énergie. Le comité de sélection de la Coupe Memorial sera en Mauricie jeudi prochain pour évaluer la candidature des Cataractes. On veut créer une forte impression, là, donc l'organisation invite les partisans à se présenter habillés de jaune au Centre Bionès entre 10 et 11 heures pour accueillir le comité. En plus, le soir, les voltigeurs sont en ville et la tenue jaune sera de mise. Alors que, c'est ça, on veut vraiment créer un gros événement à travers tout ça. D'ailleurs, hier, on semblait répéter un peu la performance. Il y avait plusieurs vidéos qui jouaient sur les écrans géants. Par exemple, Patrick Lalime qui arrivait, on entendait sa voix par téléphone, qui disait « Bonjour, ici Patrick Lalime, j'appuie la candidature des Cataractes de Shawinigan ». Plusieurs vidéos ont été répétées, ce qui fait que on a pu voir ça là, du côté des Cataractes. On veut être prêt et je pense que c'est une candidature qui va être très solide. Celle de Saint-Jean aussi, j'ai l'impression. Du côté de Cap-Breton qui était en ville hier, ce serait étonnant que ça l'aide de ce côté avec les performances qu'on va avoir. Qu'on a cette année, on est deuxième avant-dernier dans la Ligue et peut-être essayer de voir après bon ce que ça va donner, mais j'en doute fort. On a une jeune équipe qui sera pas à maturité l'an prochain. Messieurs, il y a une nouvelle qui a vraiment secoué le monde du hockey junior cette semaine. Le congédiement d'Éric Veilleux. Éric Veilleux, qu'est-ce que je dis là? Éric Veilleux, non, il n'est pas congédié. De la façon que sa saison va, ça serait étonnant qu'il soit. Le congédiement de Richard Martel du côté du Saguenay, du côté des Saguenayens. Une nouvelle qui est venue surprendre à peu près tout le monde du côté de la région. On s'attendait, ça allait pas bien. Ça fait plusieurs années que ça va pas bien du côté des Saguenayens. Mais on s'attendait au moins minimum à ce que Martel finisse la saison. Ce n'a pas été le cas. Ça semble avoir été une décision qui a été prise à la dernière minute. On parlait, selon ce que les rapports qu'on a eus, il y avait une réunion des actionnaires l'après-midi du côté du centre de Georges Vézina. Martel, lui, fait son petit train-train quotidien, donne son entrevue de match. Et quand la réunion s'est terminée, la réunion des actionnaires, on a fait venir Martel au bureau du président et on lui a annoncé la nouvelle qu'il pouvait venir chercher ses choses. Il allait recevoir son 4% par la poste. En attendant, on a le directeur, l'entraîneur Marc-Étienne Hubert, si je me mélange pas, qui a pris la relève de Martel. Et je pense que il y a beaucoup de rumeurs et ça serait un peu la chose évidente à faire du côté de Chicoutimi. Ça serait le retour de Guy Carbonneau derrière un banc, c'est-à-dire, je parle pas de Montréal-Québec, mais bien de venir entraîner les cataractes de... les cataractes... T'as bien de la misère, Nick? Les bisons de Grimby. Et les harfans de Beauport. Donc, qui pourrait venir entraîner les Saguenayens. Je sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais c'est qu'on peut pas arriver avec un entraîneur, un jeune entraîneur ou un entraîneur qui a pas... le pedigree un peu de Carbonneau. Je veux dire, on a remplacé Richard Martel, qui est l'entraîneur avec le plus de victoires dans tous les temps, je pense, dans la Ligue junior majeure du Québec, ou du moins dans les entraîneurs actifs. Tu peux pas arriver puis remplacer ça par quelqu'un qui a pas une réputation de béton. Non, surtout que les fans, excuse-moi Marc-Antoine, surtout que les fans en demandent là, de plus en plus, parce que bon, ça fait une couple d'années aussi qu'on étire la sauce là, du côté de Chicoutimi dans la reconstruction, donc les fans en veulent un peu plus, donc on veut vraiment du changement, peut-être un virage à 180 degrés, ce que pourrait peut-être permettre par contre un jeune entraîneur, je sais pas qu'est-ce que... Ben, la question c'est plus, est-ce que Guy Carbonneau va accepter un contrat comme entraîneur? Il a quel âge? Il a 51 ans, je crois. C'est peut-être pas la meilleure option pour lui. C'est sûr que il y a pas vraiment... Ben, y a-t-il d'autres options? Ouais, c'est ça. Je veux dire, il fait presque 2 ans là, qu'il a été congédié par le Canadien. Si autre option il y avait, ben, ça aurait été sur la table, là, j'ai l'impression. Ouais. Peut-être un assistant entraîneur Ligue nationale ou entraîneur Ligue américaine. Ouais, peut-être, mais je veux dire, c'est pas venu. Fait qu'à partir de là, si c'est pas venu, et la Ligue nationale semble se tourner de plus en plus vers des entraîneurs plus jeunes, avec des idées différentes, ouais. Carbonneau, il commente les deux. Du côté de Carbonneau, ce qu'il y a fermé les portes de la LNH, c'est sa piètre performance au championnat mondial des moins de 17 ans. Écoute, c'est moins de 18 ans. Et c'est la pire performance de l'équipe canadienne dans l'histoire. C'est terminé pour Carbo, la Ligue nationale, si tu veux mon avis. Ben, écoute, il va devoir suivre. Un gars comme Michel Therrien n'est pas être capable de se retrouver un emploi dans la Ligue nationale. Je vois pas comment Guy Carbonneau va arriver à faire la même. Présentement, la même du côté de Carbonneau, au moins, on n'a pas de problème monétaire parce qu'on paye encore son salaire du côté de Montréal, donc ce qui vient de l'aider. Mais, je crois qu'il va devoir, s'il espère un jour, je dis pas que Carbonneau est un entraîneur fini, mais il va devoir faire ses preuves. Et c'est une belle occasion. C'est pour ça. Lui. Ben c'est une occasion parce que de toute façon il va être dans son club. C'est à lui le club là. On s'en fout là. un peu comme Patrick Roy là dans le fond. Mais puis ça donnerait une bonne rivalité en plus. Mais ça serait très bon pour le show. Ben, mais c'est qu'en fait ça garderait la rivalité vivante. Ouais c'est ça. Mais du côté de Carbonneau, on va devoir faire comme Alain Vigneault a fait à l'époque et aller refaire ses classes dans le junior majeur. Tout simplement. Et après ça advienne que pourra. Et regardez Patrick Roy aller à Québec, là. Il y a du plaisir, là, Patrick Roy. Il y a personne qui va me dire qu'il aime pas ce qu'il fait pis qu'il voudrait être dans la Ligue nationale. Pourquoi Carbonneau, à la limite, gars, accepte ton rôle pis amuse-toi. Amuse-toi, gars. La vie est courte et profite-en pis, on va voir. Mais justement, là, on a laissé beaucoup de points d'interrogation au niveau de la conférence de presse du côté de Carbonneau. Peut-être, en tout cas, pas aujourd'hui, là, les journalistes disent demain, c'est pas demain, on n'est pas demain. Ouf, ouais, c'est pas aujourd'hui, précis. Aujourd'hui, il y a les réactions de Richard Martel vers 11h30, là. Conférence de presse. Ça va être intéressant à suivre. On sait que Martel est pas le genre de gars à avoir la langue dans sa poche. Donc, Il faut payer le prix. Malheureusement pour lui, c'est lui qui l'a payé le prix pour le mauvais cycle. On a connu un cycle au complet, là, très très mauvais du côté des Saguenayens. Et c'est pourquoi aujourd'hui Richard Martel est sans emploi. Voilà la musique. On va aller écouter une petite chanson. Bon, écoutez, non, je fais ma plug grosse. Tout d'abord, 10h18, JP Grenier se joint à nous après la toune musicale. On va commencer à parler du Super Bowl. On va continuer ça jusqu'à 11h. Il va nous faire l'analyse complète des forces en présence. Et d'ailleurs, sinon, allez lire un petit texte que j'ai envoyé sur inconduitedeparti.com hier. Savoir comment vous préparer pour le Super Bowl et qui va affronter qui, pour ceux qui connaissent pas beaucoup ça. Et c'est ça. Donc, on va aller écouter une petite chanson inspirante pour... de combat. On s'en va à la guerre pour les gens du Super Bowl. Se motiver, une reprise. C'est Bullet for Valentine avec la reprise de la chanson No Easy Way Out. Vous écoutez les conduits de partie sur C'est Fou. Giving it can't be wrong, no. There's no easy way out. Bullet for my Valentine avec la chanson No Easy Way Out. Vous l'avez reconnu, écoutez la tune de Rocky. Rocky 3, si je me mélange pas. JP? Oui. Rocky 3, ça, là. Ça, c'est Rocky 3. Non, Rocky IV, avec le russe. Le russe, hein, Ivan Drago. Okay, yes. Ça, c'est quand il court dans la neige, là. Oui. Non, ça, c'est quand son ami Apollo Creed meurt. Ah, okay. Puis là, dans le fond, il revoit ses beaux moments avec lui, puis... Mais c'est quoi la toune quand il s'entraîne? À la fin. Oui. Ben, il y a Hearts on Fire de Bill Conti, puis l'autre, c'est Training Montage, là. En tout cas, moi je te parle de la scène d'entraînement qui s'entraîne dans, avec du bois. Il s'entraîne avec du bois pendant que le russe s'entraîne avec des machines. Ouais. C'est Hard of Fire de Bill Conti. Ouais. Quelque chose de genre. Ben, en tout cas, quel soundtrack, là, pour vrai. Là, Rocky IV, c'est les années 80. C'est les synthétiseurs. Puis c'est qui, My Boys for My Valentine, qui a repris ça? Ah, j'en ai des frissons. Scène qui a été brillamment repris dans un Family Guy, un film de Family Guy, où est-ce que c'est comme la guerre des étoiles. Ils ont comme piqué la scène, t'as Peter qui s'entraîne. Non, c'est pas Peter, Chris. C'est Chris qui s'entraîne, mais il entrecoupe ça des images d'Ivan Drago qui s'entraîne réellement, les vraies images de Rocky. C'est bien fait. Hey, on arrête de perdre du temps, JP. Tu es notre expert football depuis maintenant 2 ans. Et ça va être ce matin la journée la plus importante de ta carrière de chroniqueur. JP, les gens qui écoutent ont besoin de toi. Va-nous le Super Bowl. Qui est qu'est-ce qu'il faut garder? De qui doit-on se méfier et qui l'emportera? Bon, ben dans le fond, tout d'abord, je vais faire un aperçu un peu des deux équipes là, pour commencer Green Bay. Quelle équipe se sont rendues? C'est un peu les Canadiens de Montréal de la NFL, si on veut. Ça fait maintenant 13 ans qu'ils n'ont pas eu de titre. Donc, les partisans là, qui sont toujours là au Lambeau Field attendent en ce moment avec impatience. Est-ce que c'est l'année? On va voir. Tout d'abord, je vais vous faire l'offensive. Très bonne offensive là, menée par le carrière Aaron Rodgers qui est à sa 3e année comme partant. Et qu'on voit de plus en plus, on le voit de plus en plus s'en venir comme une légende. On le voit de plus en plus dans notre soupe à Green Bay, là, lui qui est arrivé avait super haut de la pression, on le sait, avec le départ de Brett Favre, la légende. Tu remplaces pas n'importe qui du jour au lendemain, Brett Favre. Là, donc, Aaron Rodgers qui ne fait que s'améliorer depuis ses débuts dans la Ligue nationale de football. Écoute, le numéro 12 des Packers qui a un bras canon, en plus d'avoir une précision impeccable, donc ça va être le joueur à surveiller du côté des Packers. Donc, un peu les porteurs de ballon. On sait qu'on a Brayton Jacobs du côté des Packers qui est pas mauvais. Sauf qu'on a un petit nouveau, là, James Starks, qui est une recrue de cette année. Avec la blessure de Ryan Grant au premier match de la saison, ça n'a pas été facile hein, pour Green Bay. On misait sur lui. Beaucoup des fantasy pools l'avaient dans les premiers choix. Donc, c'est un joueur important là, pour Green Bay. Ça se remplace pas du jour au lendemain, sauf que James Starks arrive en fin de saison. Puis, il remplit le travail. Donc, une bonne attaque au sol pour les Packers. Supervisée, bien sûr, par Brayton Jacobs, qui lui a de l'expérience. Là. Pas nécessairement en série, sauf que a quand même quelques jeux de course dans le corps pour lui. Sinon, les receveurs de passe, moi, je trouve que c'est ce qui fait vraiment leur force, contrairement à Pittsburgh, là, mené par le vétéran Donald Driver et Greg Jennings. Quel âge de Donald Driver, là? Driver doit être rendu à 33-34 ans. Attends, je vais te le dire, là, je cherche sa date de naissance. Oh, le site est mal fait. Je m'en occupe. Oh, ben, je suis dessus, mais... Non, je m'en occupe. Écoute, c'est sa 12e année d'expérience dans la Ligue du côté de Donald Driver. Donc, les gars commencent à 21-22 ans. Fait que de loin, on trouve dans 4 ans. Né le 2 février 1975. Donc, il a 35 ans. 35 ans, bientôt 36 ans, là. Donc, ouais. On peut dire que lui a vu les deux meilleurs corps de Green Bay, là. Il a 36 ans depuis avant-hier. Depuis hier? Avant hier. Bonne fête, Donald. Félicitations. Donald, qui était là avec Brett Favre dans le temps, sa 13e saison, donc... Il a passé les 10 premières années de sa carrière avec l'excellent Brett Favre. Puis là, il peut refléter l'exploit du Super Bowl avec, dans le fond, avec Aaron Rodgers. Je ne sais pas s'il est allé à l'édition 97. Peut-être vous pouvez me trouver ça, les non. boys. 213e choix au total en 1999 par les Packers. Non, il était pas là en 97. Il était à Alcorn State University en 97. Alcorn State, qui est une université de... 8e ordre. Non, mais 2A, je pense que c'est du 2A. Ça, c'est du Football Championship. Ouais. J'allais te vérifier ça. Produisent quand même quelques bons joueurs, là, mais écoute, Donald qui voudrait Est-ce que ce serait la fin de sa carrière? Je ne sais pas, mais écoute, excellent receveur de passe. Puis les tight-ends, les alliés rapprochés. On n'en parle pas assez, mais je pense que ça va être important dans ce match-là avec les deux défensives qui sont tellement intenses, tellement bonnes, que un gars comme John Michael Finley pourrait très bien surprendre. Le jeune allié espacé qui lui est rapproché, pardon, je me trompe d'interne, qui lui possède d'excellentes mains en plus d'être très physique, donc je pense que ça pourrait être un bon outil de dépannage pour Aaron Rodgers. Sinon, la défensive, écoute, c'est ce qui fait la force des Packers là, à ce moment-là dans la nationale. C'est ce qui leur a permis de se rendre là. Ils ont été impeccables depuis le début des séries, là, malgré les ratés de Rodgers contre les Bears. Menés par l'excellent Clay Matthews et Jay Hawk, des secondaires physiques, rapides, qui frappent incroyables. Donc, en plus, tu as Charles Woodson, l'ancien joueur de l'année l'an passé en défensive. Donc, c'est une défensive qui a de l'âge. Sauf que l'expérience dans un match comme celui-là va être tellement importante. Puis t'as l'émergence du jeune B.J. Raji, là, qui est pas Reggie White, sauf que fait tout un boulot là, dans une défensive 3-4. Là. C'est pas facile non plus embarquer dans les souliers Reggie White non plus. Là. Non, qui est selon moi un des 5 meilleurs grands joueurs de la Ligue. Là, donc Raji qui fait tout un travail, là, puis on l'a vu, il est capable d'intercepter des passes, puis est quand même assez rapide là, pour sa grosseur. Puis finalement, pour les unités spéciales, Mason Crosby, qui est un des meilleurs jeunes batteurs de la Ligue, un des meilleurs en devenir. Il n'a pas encore atteint ce statut-là d'un batteur superstar comme on a vu avec Vinatieri, les Colts ou les Pats. Sauf que s'il y a un gars qui va avoir peut-être la pression en fin de match, c'est bien lui. Donc, écoute, il l'a déjà prouvé dans l'NCAA avec Colorado. Il était tout le temps à cloche, c'est tout le temps bon sous la pression. Donc, on va voir pour Crosby là, s'il va être capable de répéter au Cowboy Stadium. Écoute, j'en parlais tantôt, les unités spéciales, mais c'est tellement un stade difficile pour les batteurs à cause du mot de écran, là, que ça va être important pour eux, là, de bien passer leur beauté. Puis, JP, si ça touche l'écran, c'est une balle morte? C'est une balle morte, on reprend. OK, fait qu'au pire, c'est pas dramatique si ça y touche, là. C'est pas dramatique, sauf non, que quand même... C'est dérangeant, ouais, c'est dérangeant. Il y a toujours ce facteur-là, tu veux pas la pogner, là, donc... Écoute, peut-être aller une pause, les gars, puis je vous refais Pittsburgh après. Ben, c'est parfait, ça, JP. Fait que les Steelers de Pittsburgh vont suivre tout de suite après cette pause publicitaire. Et ensuite, JP, tu nous gardes quoi en surprise? Ben, écoute, je vais faire l'analyse des deux équipes, là, les impondérables, voir qui a l'avantage sur quoi. Puis on va faire nos prédictions, là. Je voudrais faire toute la semaine là-dessus pour choisir mon équipe. Et finalement, en finale, qu'est-ce que vous allez manger pour le Super Bowl? Oui, bien important. Dans votre casse RDS. Tout dépend combien de monde il y a à la maison. Donc on passe à une pause, au retour, les nouvelles, et on continue avec JP Grenier Football. Vous écoutez les conduites de partie sur C'est fou! C'est fou, c'est dans vos oreilles. 89-1. Les nouvelles sont une présentation de l'inconduite de parti.com. Chronique, opinion et beaucoup plus. Tout d'abord, dans la LHGMQ, les Cataractes ont été plus que convaincants hier en emportant 8-0 contre le Screaming Eagle. Peter Sakaris a récolté 1 but et 3 passes. 4 points aussi pour ses coéquipiers Dave Labrecque et Benjamin Casavant. Le jeu blanc va à l'affiche du gardien Alex Dubo. Du côté de Chicoutimi, les Saguenayens l'emportent 3-2 contre les Huskies de Rouyn-Noranda. La partie s'est terminée en tir de barrage grâce à un but de Jonathan Bonneau. C'est la deuxième victoire en autant de parties depuis le congédiement de Richard Martel. Et les Titans ont laissé filer une avance de 4 buts hier pour finalement perdre 5-4 contre le Rocket de l'île du Prince-Édouard. C'est la quatrième défaite de suite des Titans. Au baseball, Andy Pellett annoncera sa retraite aujourd'hui lors d'une conférence de presse au Yankee Stadium. Le gaucher de 38 ans a complété 16 saisons dans les majeures et détient les records pour le plus de victoires en série. À Chicago, Alexis Ramirez et les White Sox ont conclu une entente de 4 ans qui donnera 32,5 millions US à l'arrêt court de 29 ans. Le Cubain a produit 70 points en 156 rencontres des White Sox. Dans la Ligue nationale de hockey, c'est ce soir face aux Sabres de Buffalo que Kevin Malkin effectuera son retour au jeu avec les Pingouins. Il a raté les 5 dernières parties des siens et le week-end des étoiles en raison d'une blessure à une jambe. Pittsburgh est toujours privé de Sidney Crosby et maintenant de Mark Letestu, qui ratera 4 à 6 semaines d'activité en raison d'une opération à un genou. À Ottawa, Jason Spezza devrait effectuer son retour au jeu samedi face aux Islanders. Spezza a raté les 15 derniers matchs de son équipe en raison d'une blessure à une épaule subie au lendemain de Noël. Les Sénateurs peuvent se réjouir de cette nouvelle, eux qui n'ont pas gagné à domicile en l'absence de Spezza. Et finalement, au sport universitaire, ne manquez pas les rencontres des Patriots soccer et masculin. Soccer féminin et masculin face à McGill dimanche au Centre Alphonse Desjardins dès 16h. Voilà, c'était vos informations de l'inconduite de parti.com. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook. Et vous êtes de retour à l'inconduite de partie sur les ordres de C'est fou. On continue avec le football. On a fait les prédictions, on a fait un tour des équipes du côté des Packers, de l'équipe des Packers du Green Bay. On va maintenant avec les Steelers. JP? Oui. Alors, JP, les Steelers, de leur côté, c'est pas l'équipe d'un seul homme, mais Ben Roethlisberger prend beaucoup de place. Écoute, on le sait, il y a eu beaucoup de controverses à son sujet cet été, là, disait des allégations d'agression sexuelle. Ça n'a pas été une année facile pour lui, sauf qu'il sera encore une fois au Super Bowl, son troisième en 6 ans à peu près. Il a la chance de mettre la main sur une troisième bague, donc rejoindrait des gars comme Tom Brady, Troy Aikman, donc ça l'entrait dans l'histoire là pour l'histoire des grands carrières de la Ligue. Sauf que tu l'as dit, c'est pas l'histoire d'un seul homme. Les Steelers qui, depuis des années, affichent des équipes coriaces, des équipes super bonnes, avec beaucoup d'expérience. Puis c'est ça qu'on va voir là, avec un aperçu de l'équipe. Tout d'abord, poste de carrière, bon, on l'a vu, Big Ben, là, qui malgré tous les malchances qu'il y a eu cette année ou les fraudes qu'il a faites, reste quand même un carrière solide. C'est pas le carrière avec le plus élégant, comme on le voit avec Aaron Rodgers, sauf qu'il fait le travail. Très gros, très mobile, il est difficile à frapper. C'est un guerrier, on l'a vu, là, Terrell Suggs qui a cassé le nez. Il l'a tassé après d'une main, il est même pas sorti du jeu. Donc, c'est un gars avec du caractère, puis il est là pour gagner. Là. C'est vraiment un général sur le terrain de football. Sinon, dans les porteurs de ballon, on est un peu plus jeune à ce niveau-là. On a Rashan Mendenhall et Mewaldy Moore qui sont pas... Mendenhall, il a 22 ans. C'est sa troisième année comme partant. Il était là au dernier Super Bowl des Steelers, sauf qu'il était blessé malheureusement pour lui. Donc, il a une bonne chance de se reprendre, puis de prouver sa valeur. Sinon, mais Wilde Moore, bon, ben, c'est un inconnu, là. Moi-même, j'ai de la misère à savoir c'est qui vraiment, là. C'est un gars qui a connu une bonne carrière au collège, sauf que, dans NFL, il pourrait peut-être prouver sa valeur dimanche prochain. On va voir. Sauf que les Steelers, leur attaque au sol, qui faisait des dommages dans le passé avec Willie Parker, Jerome Bettis, même dans le temps. Oh boy. On est loin de ça. Ouais. Ça serait peut-être à Mendenhall d'écrire son histoire, là. Puis d'être parmi les grands des Steelers, pourquoi pas? On va voir à ce niveau-là. JP, pour les receveurs de passe. JP, je vais juste t'arrêter. Je sais pas si tu avais l'intention d'en parler. Je me lance et tu reviendras au receveur. La blessure à Maurice Pouncey, penses-tu que ça va venir nuire à Ben Roethlisberger? On parle du côté de la ligne défensive des Packers et des secondaires du plus faible centre. Si jamais Pouncey peut pas jouer, on va affronter Doug Legursky, le centre le plus faible qu'on a affronté durant toute la saison. Ben écoute, je voulais en parler plus tantôt okay. Là pour l'analyse, mais t'amènes un bon point. Marquise Pouncey qui est un gros bonhomme. C'est sûr que le centre, c'est quasiment lui qui lit la défensive dans certaines équipes. Le rôle de Pouncey avec les Steelers, je sais pas s'il est aussi important que par exemple Jeff Saturday avec les Colts, qui est le grand ami de Peyton Manning, puis il mène l'offensive là quasiment. Sauf que c'est sûr qu'à ce niveau-là, ça fait mal. On l'a déjà vu, là, des gardes qui prennent la place du centre. De toute façon, les gars, c'est tout des... Habituellement, là, les centres, c'est des gardes qu'on a repêchés comme gardes, puis finalement, qui changent de position à cause du manque de profondeur. Sauf que, écoute, t'as raison, là, ça pourrait faire une différence. Là, les Steelers, ils ont pas une si grosse ligne offensive que ça, contrairement aux années précédentes. On va revenir tantôt, Nicolas. C'est bon. Pour les receveurs de passe, groupe que j'aime très bien avec mené par Hines Ward. Hines, il est l'Hawaïen qui est encore là chaque année. On a eu une petite controverse cette semaine dans les médias. Là, ça n'a pas été la plus grosse semaine des médias côté déclaration des deux équipes. On l'a traité de joueur salaud, ce qui est pas le cas selon moi. C'est un des joueurs les receveurs les plus physiques. Va être un des meilleurs sur les blocs. Puis écoute, il a pas peur de rien. Donc le traité de joueur salaud, je trouve que ça manque de respect pour Hines Ward, un gars qui a déjà deux bagues du Super Bowl, puis qui, à un certain moment, il était un des receveurs les plus sous-estimés de la Ligue. Sinon, t'as Mike Wallace, qui est incroyable. Je l'adore, ce gars-là. Tellement rapide, des bonnes mains, puis il va être là pour le gros jeu. Là. Si vous voulez des bombes, ça va être Mike Wallace. Donc, écoute, les Steelers, qui sont très bons. T'as Antoine Randall, qui a fait un retour, lui, cette année. On se souvient qu'il avait permis aux Steelers contre les Seahawks de gagner le Super Bowl avec son jeu truqué là, de passe, lui qui est un ancien corps arrière avec l'Université d'Indiana, donc ça va être peut-être une arme secrète là, pour Mike Tomlin. Donc puis finalement au niveau de l'ISPC, pour les Pittsburgh Steelers, t'as Heath Miller qui est un de mes préférés encore une fois. Gros gars, avec des bonnes mains sûres, puis écoute, cadre très bien avec l'esprit des Steelers, là, très physique, très arrogant, puis c'est un très beau joueur. Sinon, des côtés des unités spéciales, ça se gâche, t'as Nick Swisham, à qui je fais pas confiance du tout, là, donc si tu me donnais la différence entre Crosby et Swisham, je pense que Crosby remporte haut la main la bataille des unités spéciales. Là. Sinon, en défensive, j'en ai déjà parlé par le passé, le Steel Curtain est-il de retour? Avec Troy Polamalu, qui vient d'être nommé le joueur défensif de l'année, qui selon lui ne méritait pas, sauf que c'était amplement mérité selon nous. T'as James Fire qui est incroyable, t'as Ziggy Hood à la défensive. Non, les Steelers là, qui pourraient remporter un autre championnat grâce à la défensive encore. On sait le dicton, hein? Defense Win Championship, c'est pas pour rien. Moi, j'ai bien l'impression que le Steel Curtain va être la différence dans le match. Mais... Ben, ça va dépendre si justement le rideau est ouvert ou il est fermé. Sauf que, écoute, c'est gars qui ont des bagues encore une fois. Ça joue gros là-dedans. Là. Les Packers, pour la plupart, n'ont jamais connu ce genre de match-là. Donc, eux, c'est une nouveauté. Non, puis les gars du côté des Steelers qui ont remporté les Super Bowls, c'est des Super Bowls dramatiques, les deux derniers que les Steelers ont remportés. Écoute, contre les Cards, c'était terminé en fin de match. Puis, ouais. Si c'était pas de cette année, Santonio Holmes est encore avec l'équipe, là. Effectivement. Puis, on l'a vu même avec les Jets, ils ont attrapé contre les Patriots cette année. Quelle défensive incroyable, là. C'est pas la défensive des Steelers des années 70, là. On est loin d'être là encore avec leurs 3 ou 4 Super Bowls de suite, avec Jack Lambert. Mais écoute, Troy Polamalu, c'est un gars qui peut très bien faire la différence dans un match. Puis, je vais parler d'un gars, Dick LeBeau. Ouais, le coordonnateur défensif. Qui est selon moi un des meilleurs coordonnateurs défensifs de l'histoire. Il est dû au temple de la renommée, il faut le faire. Le gars est encore actif, puis ils l'ont mis au temple de la renommée. Wow. Donc, ben, on disait que ça allait être... on parlait, j'ai lu un texte là-dessus. Dick LeBeau et Dom Capers étaient ensemble en 92 avec... Écoute, c'est l'équipe qui me vient pas, là. Les deux travaillaient sur la même équipe. C'est un peu... C'est leur création, le jeu défensif des Steelers et des Packers. C'est leur création pour les deux. Sauf que là, Capers est d'un côté avec les Packers puis LeBeau est de l'autre côté avec les Steelers. Donc, ça va se ressembler énormément au niveau de... Au niveau de comment on va gérer le tout du côté des deux équipes? Ben écoute, selon Internet, il était avec les Steelers en 92. Donc, Capers serait un élève de Dick LeBeau, si on veut. Oui, c'est ça. Donc, en plus, LeBeau, un ancien joueur, connaît la game. Donc, écoute, ce gars-là, lui seul, va pouvoir faire des stratégies que ça va être dur pour les Packers d'attaquer. Écoute, s'il y avait une faiblesse, ce serait quoi? Les demi-coins? J'en vois pas de faiblesse dans leur jeu, eux, qui étaient la meilleure défensive cette année. Donc, voilà le tour un peu des deux équipes. Je vais faire mon analyse un peu des deux côtés en donnant l'avantage aux équipes. Du côté de l'offensive, si on se fie aux deux équipes, là, je pense que Green Bay pourra avoir l'avantage. Aaron Rodgers n'a pas autant d'expérience que Roethlisberger dans ce genre de match-là, sauf qu'il est beaucoup plus élégant, un meilleur bras. Il a prouvé que sous la pression, il était capable de bien jouer. Puis l'équipe possède de meilleurs receveurs. Là. Même au jeu au sol, on l'a vu avec Menenhall, c'est un slasher. Désolé l'expression en anglais, là, je suis pas capable de le dire en français. C'est un slasher, c'est un gars qui s'en va dans le centre. Si ça marche pas à ce niveau-là, c'est pas au troisième, quatrième quart que ça va marcher, puisque les Steelers vont tirer de l'arrière à ce moment-là. La confrontation entre Mendenhall et Clay Matthews va être très intéressante, là, tout le long du match, vraiment, là, c'est là qu'on va voir les plus gros contacts. Exactement. Puis, même, t'as l'autre bord, t'as AJ Hawk. Ouais. Qui est assez imposant. T'as Nick Barnett dans le centre. C'est un gros duo, là, ces deux-là. Ouais. Là. T'as Nick Barnett qui est dans le centre, qui passe un peu inaperçu à cause de l'excellence de Clay Matthews, sauf que, écoute, Menonald qui est très solide, là, puis des bonnes jambes. On l'a vu là dans le passé contre dans les séries. Brise des plaqués, continue à courir, ses jambes sont tout le temps en mouvement, donc. Puis va chercher le contact aussi. Accélère au moment où le contact s'en vient. Exactement. Ce qui permet d'aller chercher des verges supplémentaires. Exactement. Il tombe par en avant au lieu de tomber par en arrière. Bon point. Donc, au niveau de la ligne offensive, je pense que celle de Green Bay est supérieure, malgré que c'est un peu leur faiblesse à l'attaque. Là, En partie à cause de l'inexpérience des gars. Brian Baluga qui est partant, mais il est quand même à sa première année. Puis non, je pense que les Packers ont une meilleure offensive au total. Sinon, en défensive, ben là, on va y aller avec Pittsburgh sans surprise. Malgré que les Packers, on l'aime bien, est rapide, est excellente. Sauf qu'on l'a dit, Pittsburgh, c'est Steel Curtain, c'est Dick LeBeau, c'est le maître en défensive. Donc, c'est ce qui leur a permis de se rendre là cette année. On sait au début de l'année, Roethlisberger qui était suspendu pour 4 matchs. Ils ont quand même gardé dans. Ils ont quand même gagné 3 de ces 4 matchs-là. Donc, écoute, la défensive, puis on l'a dit, Troy Polamalu est un gars qui peut changer le rôle du match à lui seul. Sinon, pour les unités spéciales, j'ai dit que j'aimais pas vraiment Swisham avec les Steelers, le batteur. Malheureusement, on dirait que tout va reposer sur ses épaules en fin de match, là, dans les dernières secondes. Je pense que Mason Crosby pourra avoir l'avantage à ce niveau-là. Botte mieux, plus loin, puis est plus précis. Sans moins ébranler sous la pression aussi. Pour les batteurs, ben là, ça va être vraiment là égal à cause de l'écran. Les joueurs sont pas nécessairement habitués. Finalement, les impondérables, les fameuses impondérables. Écoute, on joue pas à domicile aucune des deux équipes. À Dallas, c'est un stade de 103 000 personnes. Couvert. Quand même très impressionnant. Ouais, pis c'est deux des équipes dont les fans voyagent le plus aussi dans la NFL. En fait, là, souvent sur la route, les Steelers et les Packers ont leur lot de fans. Ça va être le cas encore à Dallas. Là. Exactement. Puis ce qui va faire la différence, c'est peut-être l'expérience. Parce qu'on sait que la température n'a pas rapport à l'intérieur. Mm-hmm. Le terrain, on joue sur du turf, donc ce sera pas du gazon naturel. De toute façon, les deux équipes qui jouent sur du gazon naturel dans leur stade respectif. Mm-hmm. Puis l'expérience, là, les joueurs des Steelers sont tout simplement plus habitués à ce genre de match-là. Ouais, je pense que c'est un match. Donc. C'est ça, c'est une des choses qui va venir jouer, mais c'est du football, c'est un match, puis des fois, c'est un jeu qui va venir changer. On se souvient, il y a 2 ans, les Steelers contre les Cardinals, c'était-tu pas l'homme en haut, là, l'interception à la fin de la ouais. première demi? Oui, oui, il s'était fait arrêter par les cheveux, d'ailleurs, là, sur son retour d'interception. Non, mais il s'était rendu, il avait fait un toucher avec ça. Il était tombé à la ligne. James Harrison. C'est James Harrison. Puis, avait réussi de toucher grâce à ça, mais c'est. On enlève ce jeu-là, il se fait plaquer une verge avant, et c'est absolument pas le même jeu. Non. Les Cardinals n'emportent probablement dans ce match-là. JP, coaching? Niveau des entraîneurs, est-ce que t'en favorises un plus que l'autre? Mike Tomlin. J'aime bien Mike Tomlin. Ouais. Mike McCarthy, c'est un bon entraîneur offensif. C'est ça que j'aime des Packers au niveau des entraîneurs. T'as Dom Capers qui maîtrise la défensive. T'as de l'autre côté Mike McCarthy qui est un gars qui utilise quand même de très bonnes stratégies offensives. Donc les deux se complètent bien. Puis c'est pour ça qu'il y a un bon mélange des deux, je pense. Puis il y a des bonnes performances. C'est surtout un motivateur. Ce sera pas un grand technicien, comme on peut savoir avec Gruden dans le temps, avec les Raiders, Tampa Bay ou même Bill Walsh. Sauf que, non, c'est un bon motivateur, puis je pense qu'il va pouvoir être capable de mener ses troupes. En même temps, Mike Tomlin, très jeune, en même temps, il a 38 ans seulement, a déjà deux bagues du Super Bowl. Encore une fois, ce gars-là a plus de preuves à faire. Là, a gagné le Super Bowl avec les Buccaneers en 2002 comme coordinateur défensif. De la tertiaire. Puis avec les Steelers, on l'a vu, il les a brillamment menés au championnat là, en tant que coordinateur, puis aussi en tant qu'entraîneur-chef, en remplacement de Bill Cowher. Donc lui aussi a une chance de s'inscrire parmi les plus grands entraîneurs des Steelers, déjà à 38 ans, donc c'est assez incroyable à ce niveau-là. Donc peut-être vos prédictions vite là. Ben écoute, moi, c'est sûr que je suis un peu biaisé là-dessus parce que les Packers de Green Bay, c'est une de mes deux équipes favorites avec les Patriots de Nouvelle-Angleterre. Ah! Et... Ouais. T'as donc bien des clubs poches. Comment ça? On parle de deux clubs légendaires. Ouais, d'un non, bon. Mais je sais pas. Il me semble que c'est des équipes qui m'allument pas du tout. Parce que Philippe, tu sais pas mes équipes préférées. Ouais, c'est ça. Attends, moi, je vais attendre d'abord. Moi, j'y connais ces équipes préférées. J'adore Aaron Rodgers et je crois que les Packers ont ce qu'il faut pour l'emporter. D'un autre bord, je crois que les Steelers ont ce qu'il faut pour l'emporter. C'est pourquoi c'est un des Super Bowls qui m'a le plus allumé dans les dernières années, mis à part ceux des Patriots. Parce que si on arrive sur des Patriots, ou du moins comme ceux des Patriots, j'ai une équipe que j'adore dans ce match-là. Et je vais y aller avec les Packers, mais probablement mon choix est un petit peu biaisé, mais du moins, je crois quand même qu'ils ont ce qu'il faut pour l'emporter. Mais ça va être extrêmement serré, ça va jouer. J'ai dit Packers par 3 points, je serais pas étonné que ce soit Packers par 1 point. Mm. Je sais pas de ton côté, Phil. Ouais. Marc-Antoine, t'as un président. Ben, moi, personnellement, c'est sûr que moi aussi, je crois que les Packers ont tout pour l'emporter. Par contre, on voit leurs deux derniers matchs, ils avaient une avance de 14-3, revenu 21-16. Ça a pris une interception de William pour s'assurer la victoire. Après ça, contre les Bears, 14-0, finalement 21-14. On peut pas se permettre de faire ça contre le corps arrière Gros Ben. Puis je pense que avec les forts matchs de Gros, les forts fins de match de Gros Ben, les Steelers vont finalement l'emporter. Donc je prends pour les Steelers, peut-être par un touché. Moi aussi j'y vais pour les Steelers, mais la victoire va être la victoire de la défensive. Dans le sens où non seulement la défensive va permettre d'arrêter Aaron Rodgers et l'attaque des Packers, mais en plus j'ai l'impression que c'est elle qui va s'inscrire à la marque. Je pense que c'est vraiment au niveau de la défensive que les Steelers vont gagner. Puis je vais même vous faire la confession de mes deux équipes préférées. Moi, les Jaguars de Jacksonville et les Ravens de Baltimore sont vraiment mes deux équipes préférées. C'est pour ça qu'en fait, je trouvais ça très drôle de te critiquer. Mais tu remarques qu'on a un style complètement différent dans nos équipes préférées. Le mauve et le turquoise. Ah non, mais vraiment, c'est pas. Là. Moi, j'y vais pas pour les couleurs, j'y vais pour la façon de jouer. Ouais, oui, c'est du football de rue, on joue au sol, on y va pour se salir les mains. Ça, c'est le genre de football que j'aime. Et les Jaguars ont jamais été une équipe qui me passionne. Les Ravens, j'aime les Ravens. J'aille pas les Ravens, là, mais quand même. Et les équipes de JP, moi, je les connais. Une d'elles va jouer demain. J'aime bien les Steelers. Mon équipe préférée, c'est les Buccaneers de Tampa Bay. Là, mais écoute, là, les Steelers sont incroyables. Ben Roethlisberger, qui est mon carrière préféré, donc je suis un peu biaisé à ce niveau-là, pour ma part. Mon cœur, par exemple, est avec les Packers. Je suis allé les voir jouer au Lambeau Field. Les partisans qui sont passionnés, ils méritent là, leur championnat. Là. Ça fait 13 ans. Enfin, Aaron Rodgers et tout, c'est un gars qui a travaillé fort, qui était patient, il mérite. Donc, j'aimerais ça revenir, le trophée Vince Lombardi, j'aimerais ça qu'il revienne à la maison à Titletown. Mais avec ma tête, je suis avec les Steelers. Écoute, ça me dérangerait pas qu'ils perdent. C'est le fun parce que c'est deux équipes qui sont le fun à voir jouer. Ouais. Là-dessus, il y a tout le temps une équipe que tu veux pas voir ça. C'est le deux ans, les Cardinals, je voulais pas vraiment les voir là. Sauf que cette année. C'est deux équipes légendaires, là. Deux équipes légendaires. Donc mon cœur est avec les Packers, mais ma tête avec les Steelers. Moi je dis 26-20 Steelers. Là. Ça serait ma prédiction. Puis, faut que je l'avoue aussi, j'ai un peu honte de le dire, mais j'adore les Raiders, là, qui sont médiocres. Ce qu'on aime, je pense, des Raiders, c'est pas l'équipe, c'est les fans. C'est l'attitude. C'est j'aime l'uniforme, j'aime tout ce qu'il y a autour de l'équipe. C'est tout l'aspect Legion of Doom, WWF, c'est les fans comme des Raiders. For excellence. Ah ouais, exactement. Comme il dit, c'est la swagger autour de c'est pas la même, c'est plus une swagger metal, tandis que pour l'autre équipe qui est très swagger, c'est l'Université de Miami, les Hurricanes, qui eux, c'est une swagger plus hip-hop. Pop rap, là, de la façon que ça marche, tandis que les Raiders, très métal, leurs fans. Hey, on a un petit concours présentement. On va faire tirer un CD de Bob. Je vais donner un CD de Bob Bissonnette, son dernier disque, recrue de l'année, à la première personne qui va m'envoyer un courriel et qui va me dire, on va mettre une question, on ira pas simple. Je veux la première personne qui va envoyer un email, un courriel au live, acommercialinconduitedeparti.com. Donc, je répète, live, L-I-V-E, acommercialinconduitedeparti.com et qui me dira la chose suivante, dans quelle ville est disputé le Super Bowl dimanche. Bon, ben, tu y vas pour une question assez simple. Ouais, quand même. Rien de compliqué. Je voulais pas savoir qui était le batteur pour les Packers de Green Bay lors du premier Super Bowl. Non, mais CD de Bob Bissonnette qui est excellent. D'ailleurs, toujours pas sorti de mon lecteur CD depuis son passage en studio. Donc, je n'écoute que ça. Peux-tu rappeler la question, Nick? La ville dans laquelle a lieu le Super Bowl cette fin de semaine, live en commercial, inconduitedeparti.com. Ça, c'est la ville des Stars, hein? Tu veux dire Minneapolis? Ouais, non, mais pas la vieille ville, la nouvelle là, où évolue. C'est beau. Arrête de donner des indices, c'est déjà, Libero, est ça, déjà hein? assez facile de même. Bon, là. Monsieur, là, il reste à peu près 3 ou 4 minutes à l'émission. Votre mets préférés, en terminant, votre mets préféré pour le Super Bowl, là, comment vous allez vivre votre Super Bowl là, rapidement? Le classique aile de poulet est toujours évidemment quelque chose qui se doit d'être fait, mais moi je suis pas très aile de poulet super piquante, épicée à la Zantac 75, là, bourre-toi mon gros porc, on a médicaments pour toi, mais c'est quelque chose que j'aime mieux peut-être genre miel et ail dans mes ailes de poulet. T'as le côté, Marc? Ben moi, j'ai fait la grosse erreur la semaine passée. Ma patronne m'avait donné congé. J'ai dit, je peux travailler. J'ai pas réalisé que c'est Super Bowl. Mais je devrais me dépêcher, finir pour 8 heures, peut-être être là pour la deuxième demi. Et je vais y aller avec des ailes de poulet vraiment piquantes. J'aime bien aussi rajouter une petite sauce ranch. Là, ça fait bon, ben, pour toi, mon bar, on a le Zantac 75 qui te faut. Pour moi, ben oui, les ailes de poulet, c'est un classique. Mais je vais y aller avec le petit plateau de légumes. Gros fan du petit plateau. L'assiette de crudité. Non, écoute, j'aime ajouter un peu de poulet, des croquettes ou des bâtonnettes, des frites au poulet. Ouais, je trouve que ça se mélange bien à travers, avoir un petit peu de croustillant. De toute façon, je veux dire, on n'est pas là pour être en santé le dimanche. Non, effectivement, il ne faut jamais non plus sous-estimer la puissance des fruits de mer. Une bonne petite pizza au saumon, là, saumon fumé, là, c'est toujours aussi très, très winner là, dans ce genre d'événement. Et en terminant de ton côté, JP? Ben moi, je suis un gars de pizza, là. Pizza, le poulet, j'aime bien aussi, là, tu sais, burger. Oui. Gros fan de burger sur le barbecue, là. Puis, pour ceux qui auraient besoin d'idées, là, Epic Meal Time, c'est pas mauvais. Ah, mais Internet, même chercher juste Super Bowl sur les conduites de partie, j'ai mis des références par rapport à ça. L'an dernier là, donc et tout ça, tout ça accompagné d'une télé haute définition de 60 pouces, je pense que ça tu retournes le lendemain, on n'a pas été à Philippe. Ah, okay. Quand j'ai travaillé au centre info, on n'avait pas le droit de faire ça. Alors je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. On espère qu'on a égayé votre journée et qu'on vous a donné beaucoup de renseignements sur le match de l'année qui est disputé demain. Merci beaucoup, JP. Ben ouais, pas trop, mes boys. On t'en doit une grosse là-dessus. Beau travail. OK, ouais, merci. Alors, pour bien terminer ça, on finit avec Capitaine Révolte, la chanson Monsieur Destin, parce qu'on va savoir c'est le destin de qui de l'emporter cette fin de semaine. J'ai fait des liens tellement intéressants. Tu me faberglasses le lien, là. Bon Super Bowl, tout le monde! We'll